C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Sébastien F. Gertin vient nous faire son bulletin Gertin, comme à chaque mercredi. Xavier Mécliche sera avec nous pour les coulisses de la Luître. Et aussi, eh bien, Mathieu Plante sera avec nous au téléphone. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 12 avril, 15 jours avant la fin de l'année scolaire. Vraiment, on peut pas mieux dire, là. On est dans la fin de session, le dernier stretch, comme on pourrait dire. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Je m'appelle Tania Beaudin, en remplacement complet de Mathieu Plante. Il ne reste que quelques jours avant son retour. Continuons à toucher du bois pour pas qu'il puisse se planter une autre fois. Et je tiens à remercier, eh bien, les résidus plasmiques, oui, pour le remaniement de notre thème d'émission. Si jamais vous voulez toutes les informations, c'est simple. Vous vous rendez, oui, sur le www.assemblagerequis.com où vous pourrez avoir tous les détails. Je l'ai dit tout à l'heure, Sébastien F. Gertin va être avec nous dans l'émission. Il est déjà avec moi en studio. Alors, j'ai comme le goût de faire ça rapido presto parce que je sais qu'on est bien chronométré ce matin. Alors, premièrement, bon matin, Sébastien. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. T'es prêt à sauter à pieds joints dans ta chronique? Oui, hey, t'es dedans, matin? C'est fou, hein? As-tu vu comme mes jeux de mots? Ça doit être la grippe, ça me monte au cerveau. Ouais, c'est ça. Ça te madjou de plan. Ouais, moi, je suis pas prêt à matin, ouais, excusez. C'est ça. Non, je suis pas prêt à sauter à pieds joints, on va dire ça de même. Eh bien, t'as pas le choix parce que ça part là. Bon, ben. Sébastien, de quoi parlons-nous ce matin? Nous parlerons ce matin de populisme de gauche. Oh, d'accord. Titre de chronique que j'imaginais le regretter Samuel Girard, oui, qui a fini sa carrière radiophonique pour l'instant. Oui, parce qu'il faut qu'il dise ça, il revient finalement. Exactement, il a fait sa dernière la semaine dernière, si je ouais, me souviens c'est bien. Ça. Bon, mais pour ceux qui connaissent un peu moins, Sam Girard, c'est notre petit Éric Duhaime de Trois-Rivières. Exactement. mais bon, je prête plus de crédit qu'à Éric Duhaime quand même. Ceci étant c'est dit, gentil. C'est ça. Ben oui, je l'aime bien, ben Sam. Ben oui, exact. Puis c'était pas une chronique pour y faire plaisir. En fait, quand je parle de populisme, bon tu sais, on fait souvent des blagues. Lui, il avait son émission qui était Génie en liberté avec Stéphanie qui était, bon, plus actualité politique, ouais, plus accès à droite. Moi, lundi, avec mon collègue Lucas Hubert, on pourrait s'appeler les philosophes en liberté. Nous autres, c'est la sortie de secours. On est plus actualité politique, plus à gauche. Pourquoi je parle de populisme de gauche? C'est que, ben, premièrement, ça va avoir l'air drôle, le gars de gauche qui met une étiquette négative sur son approche politique. Ah, c'est encore drôle, mais c'est ouais. C'est encore drôle, mais en partant, populisme, ça peut vouloir dire un paquet de choses. C'est sûr exact. Que la définition principale qu'on en a, ça va être, bon, de se baisser au niveau du bas peuple, de ne pas... ça va être vraiment, là, on va dire ça négativement, de quelqu'un qui dit, bon, on va dire ce que le monsieur, madame, tout le monde veulent entendre pour se faire élire, pour avoir des codes d'écoute. Pour se faire élire slash avoir des codes ouais, d'écoute, c'est, là, c'est souvent pas le même domaine, tout dépendant si on est dans les médias ou si on est vraiment politicien. Par contre, on peut voir ça d'une autre manière. Populisme, en fait, c'est de se rapprocher du peuple. Exact. C'est-à-dire de sortir un peu de l'élite. Mm-hmm. Ça a été payant pour la droite depuis des décennies. Oui, tout on à fait. On pense à peu près tous les chefs de pays et de provinces qu'on a eu depuis un bout. Puis c'est ça que je voulais amener, en fait, c'est que ça fait généralement partie de l'arsenal de la droite, c'est-à-dire d'avoir des points faciles à amener. Quand je dis l'arsenal de la droite, je pense au Canada, au fédéral, les conservateurs. Mm-hmm. Il fut un temps que le Parti libéral canadien était un parti de droite, lui, avec. Ben, en fait, ça a toujours été depuis que je suis là, ça a été le Parti libéral était un parti de centre mou, c'est-à-dire un parti d'un peu rien. Les partis de pouvoir, depuis que toi et moi, on est en âge de entendre un peu c'est quoi la politique, depuis la fin des grands projets de société, dans le fond depuis les années 90, les partis de pouvoir, c'est des partis de centre mou. On va grappiller des positions molles assez pour aller faire plaisir à tel groupe et tel groupe, mais sans choquer tel autre groupe. Fait que ça donne de la position molle, ça donne du PLQ actuel, ça donne le PLC actuel tente de se distancer de tout ça, mais généralement dans l'application, on va revenir un peu vers ça. Ça donne des candidats comme en France présentement, c'est les présidentielles françaises. Ça donne des candidats comme Emmanuel Macron, on en parlait à l'émission, à mon émission lundi. Ce cours est à votre gauche. Ouais, lundi 11h. c'est notre dernière lundi prochain d'ailleurs. Ah, écoutez ça. C'est ça. c'est ça, mon co-animateur qui est un spécialiste des affaires françaises. Ouais, c'est fou, hein? C'est ça, lui, il se tape tout ce qui est en lien avec ça. Bon, il fréquente une Française, fait que c'est sûr que ça aide pas. C'est qu'elle se fréquente sa conjointe. c'est ça, puis qui a ressorti le fait qu'en fait, ça a été il y a une journaliste qui s'est intéressée à la campagne française, qui a milité en fait dans tous les partis français pour voir comment ça se passe à l'interne. Les militants pour Macron reçoivent une formation pour comment éviter les questions sur la plateforme, parce que même eux autres reconnaissent qu'il n'y en a pas de plateforme. Bon, ça va bien. Il se fait aller sur des grands mots vagues, puis présentement, c'est quand même lui qui est un peu en avance dans les sondages. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu de ça que je voulais parler, c'est que bon, on a l'habitude, on a notre génération, on est né dans le cynisme politique, c'est-à-dire, c'est ça, tu sais, de la position molle du centre mou, qui, bon, justement, comme je disais, on va en donner un petit peu à quelqu'un, mais sans trop choquer les autres. Mm-hmm. C'est pas très porteur, ça rend cynique un peu, parce que bon, ils disent ça, puis demain ils vont dire le contraire, puis bon, ça vient avec la langue de bois, puis un peu tout ça. Puis là, justement, en France, ça met en relief un truc intéressant qui est en train de se passer, parce que l'autre tendance, c'était le populisme de droite, dont on remarque la montée assez fulgurante. Donald Trump est le meilleur exemple de ça. Ouais. Le règne conservateur au Canada, ça a été un exemple de ça. Ils se sont fait élire en populisme à côté. Tout ce qu'on peut dire même de négatif là-dessus. Je fais allusion des fois à un livre, moi, que je trouve magnifique, qui n'est pas traduit en français, par contre. Ça s'appelle Enlightenment 2.0, écrit par Joseph Heath, qui est un philosophe canadien. Mais c'est un de ces livres vraiment pas académiques et vraiment qui vise le monsieur, madame, tout le monde. Okay. J'espère que quelqu'un va se déniaiser à le traduire, parce que c'est excellent. Il parle en fait de comment est-ce que pour les politiciens de droite, c'est vrai, ils l'ont facile pour être populiste, pour avoir des lignes faciles qui punchent. Parce que les positions de droite, en fait, c'est souvent l'idée un peu, c'est souvent des positions qui sont un peu individualistes. Mm-hmm. Fait que ça parle à monsieur, madame, tout le monde qui pensent pas aux enjeux plus loin, puis se disent « Ah ben moi je suis content, mes impôts vont baisser. » Souvent la personne qui pense ça, ses impôts baissent même pas de manière significative avec ce qui est proposé. Réduire les services sociaux, c'est pas payant pour monsieur, madame, tout le monde de la classe moyenne. Mais se faire dire « Ah ouais, tu sais, ces affaires-là là, qu'on paye pour les BS, entre guillemets, ah ouais, ça va faire qu'on va payer moins d'impôts, tu sais. » Si tu penses pas plus loin que ça, si tu prends pas la peine de t'asseoir pour réfléchir puis analyser ce qui est, on va se le dire, la majorité des gens, les gens ont plus le temps de s'intéresser à ça tant que ça, ou ont plus le goût, ça va être séduisant. Bon, bref, le populisme a appartenu à la droite depuis un bout. Ce que, dans le livre que je parlais, ce qui souligne beaucoup, c'est qu'il dit qu'il faut que la gauche, dans le fond, lui parle entre autres, les partis, mettons comme au Canada, c'est... Oui. Partiellement le PLC, partiellement le NPD. Lui, si je me rappelle bien, il y avait une petite faveur pour le NPD, mais il parlait pas tant, parce que même si c'est un Canadien, il s'adressait plus aux Américains, en fait. Puis il dit aux États-Unis, c'est bien clair, il y a deux partis. C'est les républicains, qui sont l'équivalent de nos conservateurs, et les démocrates, qui sont l'équivalent de notre PLC. notre parti libéral. Fait que souvent même, ils vont le dire, c'est les républicains, ils vont les appeler les conservateurs, puis ils vont les surnommer les conservateurs, puis c'est l'idéologie conservatrice, ouais. Puis les démocrates, ça va être l'idéologie libérale. Puis c'est les deux versions les plus vers le centre, de la gauche et de la droite, on va se le dire. C'est sûr que là, avec Donald Trump, il y a un brassage de cartes. Et un petit peu, pas mal. Il y a Marine Le Pen en France aussi, qui commence à faire peur d'un sondage. Mais en fait, le Front National, qui est le parti de Marine Le Pen, qu'elle a hérité de son père d'ailleurs, qui était reconnu pour être un parti carrément antisémite. Son père se faisait beaucoup critiquer. En fait, c'était un Donald Trump avant le temps, parce qu'il était négationniste jusqu'à un certain... en fait, non, il était négationniste de l'Holocauste. Il a nié un paquet de choses qui étaient... Ça va bien. Bon, fait que c'est ça. Là, c'est gagnant. Justement, Marine Le Pen tente de ramener un peu le parti vers le respect. Depuis 2011 qu'elle est chef du parti. Puis tranquillement, pas vite, elle essaye de dédramatiser les positions traditionnelles du parti. Entre autres, elle met plus l'emphase sur l'anti-Union européenne. Okay. Elle-même, présentement, est députée de l'Union européenne. Ah, c'est ça. Dans le fond, est une des députées françaises au Parlement européen. Fait que c'est pour ça que je dis tranquillement, pas vite, ils s'en viennent plus... c'est sûr que les eurodéputés... c'est des élections qui a très peu de participation, même en France, qui est un pays que les élections, c'est leur sport national, sont constamment en élection. Eux autres, les élections municipales, c'est quasiment des élections nationales pareilles, parce que les partis nationaux, ils ont une antenne dans les municipalités. Les maires de villes doivent participer à la politique fédérale, mettons, la politique nationale, en fait, parce qu'ils ne parlent pas de fédération en France, là. À la politique nationale, là, vraiment, pour la France au complet. Mettons, par exemple, pour pouvoir se présenter au présidentiel, il faut avoir 500 signatures de maires. Donc, les maires ont leur importance dans la politique nationale. Ça. Donc, c'est pertinent pour quelqu'un qui habite à Bordeaux de regarder les élections de Paris, mettons. Mm-hmm. L'élection municipale de Paris, parce que ça a une influence sur le politique quand même, c'est un peu indirect. Bref, la France, c'est... freaking compliqué, leur politique. C'est ça, je voulais dire, comme je dis, eux autres, c'est leur sport national. La politique, là, ils font rien que de ça de leur journée. Puis justement, là encore, les élections françaises, fait que si je parle de populisme de droite, mm-hmm. bon, Donald Trump aux États-Unis, au Canada, ben là, on en a eu pendant un bout avec les conservateurs, qui étaient peut-être plus proches des républicains de l'ère George Bush plutôt que des républicains de l'ère Donald Trump. Mais... sont présentement en élection, en course à la chefferie, en fait, nos conservateurs locaux. Puis on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a le candidat Kevin O'Leary qui est Donald Trump, carrément. Trump avec un passeport canadien. Là. C'est la même affaire. C'est un milliardaire qui s'est fait connaître dans les téléréalités, qui a fait son argent avec de l'immobilier puis différents business dans ce genre-là. Tu sais, une espèce de milliardaire générique, mettons. Là. On peut dire ça à cette heure, il y en a assez. Quasi caricatural. Des positions très, très droite plus radicale, anti-establishment. Tout le kit. C'est vraiment là, Donald Trump moins orange avec un passeport canadien. Il est moins orange. Okay. Il est chauve à la place. On va lui donner ça. Il va pas se faire bronzer. C'est ça, exactement. Une petite qualité, mais sinon, pour le reste, c'est pareil. D'ailleurs, nous autres, ça devrait nous faire peur au Québec parce que c'est un partisan de la ligne dure avec le Québec. Mm-hmm. Fait que, tu veux pas, nous autres, on gère pas nos affaires tout à fait comme les autres provinces. On se fie moins au fédéral pour plein de choses. Même les plus fédéralistes des partis québécois veulent, je pense, entre autres, au PLQ. Ouais, c'est ça. Le PLQ tient quand même à certains pouvoirs qu'on a différents des autres provinces, tient à certaines prérogatives qu'on a de par notre différence. Donc, bref, c'était une longue phrase pour dire que c'est ça. Fait que le populisme de droite, on en parle, on est rendu là. Comme je dis, le Front National en France, Marine Le Pen, c'est probablement la première chance qu'elle a de peut-être se retrouver présidente de la République française. Mais en même temps, un autre qui commence à sortir beaucoup, un de nos chouchous, justement, à mon émission du lundi, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est le gars de gauche, le cliché de gars de gauche. Il est magnifique. Si vous voulez rire un peu, c'est un cliché de vieux français un peu chaudasse, tu sais, qui pète sa coche dans un pub. Pas dans un pub, ça c'est plus britannique, là, mais qui pète sa coche avec sa coupe de vin dans les mains. Évidemment, il n'y a pas sa coupe de vin dans les vidéos, mais tu sais, le classique du français un peu grognon qui fait des longues tirades pour ça. Il en fait une, entre autres, sur Justin Trudeau, sur la prise de parole de Justin Trudeau je ne sais plus trop quel forum international, je ne me rappelle plus lequel, parce que c'est pas pertinent. C'est juste très drôle, le petit, avec son petit accent français de province un peu. Là, de, alors là, Justin Trudeau, hein, c'est comme gars, comme pour l'apparence, on s'en fait pas de mieux, mais pour le discours, c'est complètement creux. Puis, t'sais, c'est ce genre d'affaire. Ouais, ouais, ouais. C'est de toutes les beautés. Puis, présentement, dans les sondages, puis là, ben. Là encore, les auditeurs de longue date savent que moi, les sondages, même avant la débâcle aux États-Unis, j'y croyais plus ou moins. Ouais, en Occident, on ne sait pas faire des sondages, en fait. Mais ça reste que présentement, je disais que Marine Le Pen a le vent dans les voiles, ouais. Mais lui aussi. Okay. Présentement, c'est une... Il y a une dizaine de candidats présidentiels. Là, il va y avoir une dizaine de candidats sur les bulletins. Mais présentement, ça se joue pas mal entre d'un Emmanuel Macron, qui est le candidat du mou, mm-hmm. comme je disais, le candidat du pas grand-chose. Un peu à la Hillary Clinton, par exemple. Ouais. Tu sais, de... Justement, comme ce qu'on est habitué comme politique, un peu ce que Jean Charest nous avait habitué peut-être au Québec, un peu ce que, là encore, Couillard a fait à la dernière campagne, c'est-à-dire du... On s'avance pas trop sur des affaires, on a des propositions un peu timides, puis on va... tu sais, on va parler de la dette, ouais, d'affaires de ça. Même. Okay. Vraiment, là, la politique, là, imaginez la politique brune mm-hmm. de mon oncle, classique. Emmanuel Macron, c'est ça. Okay. C'est du... on sort des gros... des grandes lignes, des... Ah oui, on va remettre la France sur les... Tu sais, des formules catchy. Ouais, c'est ça. Ce qu'on connaît depuis des années, là. Rien qu'il y a de la substance, mm-hmm. tu sais. Pas de substance, puis là, rendu au pouvoir, ben là, ça fait... Ah, OK, c'est ça qu'il voulait faire. Ouais, c'est ça. Comme ce qu'on se fait faire de nos gouvernements dire. Provinciaux ouais. successifs depuis... Puis, tu sais, j'ai l'air de targeter beaucoup le PLQ, mais le PQ ont été 18 mois au pouvoir en 2012-2013, puis c'est pas mal ça qu'ils ont fait aussi. Aussi. Finalement, ça a été la Charte des valeurs qui a omnibulé le débat, mais à l'origine, c'était ça, la campagne électorale cette campagne électorale-là, Pauline Marois, en gros, sa campagne, c'était « ben je ne suis pas Jean Charest ». C'était non, ça, sa campagne. Ouais, vraiment. Si on se rappelle, là. C'était juste après la crise étudiante de 2012, d'ailleurs. Okay, bon. Ouais. Fait que c'est pas mal là-dessus. Ça en est sauvé pas mal là-dessus. Là. Ouais, c'est pas mal ça, parce que, en tout cas, Pauline Marois, moi, j'ai jamais été un gros fan de cette madame-là. Tant mieux, première ministre du Québec. Première femme, première ministre oui, du Québec. Ça. Mais, en tout cas, c'est ça. Ça va être un paragraphe dans les livres d'histoire. Oui. Donc, probablement pour le plus petit règne au Québec. Non, il y en a eu des plus courts que ça. Oui. 18 mois, c'est pas un record de courtitude, mais c'est sûr que c'est pas loin. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est pas loin. Ça joue dans les mêmes eaux. Je m'avancerai pas à dire c'était quand les plus courts que ça, mais il y en a eu des. Je suis pas mal certain qu'il y en a eu des. Des plus courts. Je m'avancerai pas là-dessus. Ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut que je fasse des recherches avant parce que je sais pas par cœur. Je poche avec les dates, ça va bien, hein? Ah, on est deux. mais c'est ça. C'est ça, je parlais de Jean-Luc Mélenchon, oui. qui est une certaine forme de populisme de gauche. Puis c'est là okay. où je voulais en venir. C'est que la grosse critique qu'on fait à gauche depuis les années 90, c'est d'être déconnecté de la population, justement. Mm-hmm. Ce qui est drôle, c'est que c'est souvent les politiques qui vont être le plus proches, en fait, de l'intérêt de la classe moyenne. Ouais, c'est vrai. Tu sais, d'en enlever aux élites pour en donner aux classes moyennes. C'est un peu les Robins des Bois. D'ailleurs, souvent, on va dire ça. De manière un peu péjorative, tu sais, de « ah ouais, on sait bien, tu sais, un Robin des Bois, tu sais, ils se ouais. prennent un peu, c'est un peu, ils romantisent un peu. » Souvent, on va dire que ça manque de réalisme parce que, bon, tu sais, ce que le monde veut, c'est un État bien géré à la base parce que, là encore, comme je disais, le populiste de droite nous a rentré dans la tête depuis 20 ans, depuis 30 ans, que c'est important de... C'est important de gérer l'État comme gérer un ménage, tu sais, ouais. gérer notre... Nos finances personnelles, c'est l'État, c'est pas des finances personnelles, ça se gère pas de la même façon. Fait que là, ben c'est ça. Fait que c'est facile de dire que ouais, la gauche c'est pas très réaliste, c'est du pelletage de nuages, c'est t'sais, ainsi de suite. Là, on constate une certaine tendance. Quand je dis on, c'est pas mal moins. Ouais, c'est ça. au populisme de gauche. Fait que comme je dis, Mélenchon en France, c'est le meilleur exemple de ça. Puis ça commence à avoir une certaine, ça commence à avoir d'attraction. Avec peut-être justement les plus jeunes, hein, les Grecs, genre nous autres. Ouais, mettons. Moi, là. Ouais, nous, là. Tu sais, qu'effectivement, nous autres, on constate que ben, les plus vieux que nous autres ont peut-être eu un contexte assez favorable quand ils arrivaient sur le marché du travail, puis ainsi de suite. Puis on veut peut-être avoir de quoi de semblable aussi. Mm-hmm. On veut du projet. On est encore au stade où ce que ben, nous autres, ne pas payer d'impôts, ça ne nous parle pas tellement parce que pour payer de l'impôt, ça prend une bonne job. Oui, c'est ça. Puis pour avoir une bonne job, ben, ça prend un contexte qui va te permettre d'avoir une bonne job. Puis présentement, ben, c'est difficile. Fait que ça a un peu de l'attraction avec notre génération. Fait que c'est la jeunesse qui va beaucoup voter pour Mélenchon. Puis là, je dis ça, c'est pour Mélenchon, j'ai pas tant checké les sondages et tout. Je me base en fait sur, parce que quand je dis que c'est une tendance, c'est pas rien qu'en France, c'est aussi aux États-Unis, Bernie Sanders, grand-papa Bernie, c'était un vieux... Ben c'est ça, puis c'est... Vous regardez Bernie Sanders, c'est un vieux politicien, je veux dire, il a fait le gros de sa carrière en politique, il a été maire de Burlington, entre autres, puis maire de Burlington, c'est quelque chose, parce que les villes au Vermont, entre autres, fonctionnent sur le principe de démocratie directe. Okay. Le maire, c'est vraiment un exécutif. Il prend pas de décision. C'est vraiment un conseil municipal, c'est une assemblée générale. Ouais, c'est ça. Les gens viennent, les gens font des propositions, les gens votent sur des propositions. C'est pas comme, mettons, nous autres, la mairie de Trois-Rivières, c'est un bel exemple d'exactement le contraire, mm-hmm. parce que le maire est un petit roi. Les conseillers municipaux ont kind of leur mot à dire, mais cette discussion-là se fait même pas devant la population. C'est ça. Ce qui se fait devant la population, c'est un résumé des discussions, puis la population peut poser des questions, mais c'est tout. Il n'y a pas de pouvoir législatif de la population, sauf aux élections aux 4 ans, aux courses à la mairie aux 4 ans, aux 5 ans. C'est aux 5 ans. 5 ans, oui, ouais. Me semble. C'était en novembre, là, si je me rappelle bien. Ouais. Là, je ne me rappelle plus de la date. Là, mais, donc c'est ça. Fait qu'on a eu Bernie Sanders aux États-Unis qui était un peu un signe de ça. Malheureusement, le Parti démocrate, on en a parlé pas mal. Le Parti démocrate a eu une course, mettons, un petit peu biaisée, parce que dans le sens que Bernie était vraiment un candidat anti-establishment. Ah ouais, vraiment. Puis les courses à la chefferie, c'est des primaires, en fait, aux États-Unis. C'est très, très... Surtout du Parti démocrate, c'est très contrôlé. Mm-hmm. Ce qui fait que, malgré la popularité de Bernie Sanders, Hillary Clinton a quand même gagné sur des technicalités et des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que... Pis ça a été très, tu sais, je veux dire, je suis pas en train de faire de la théorie du complot, là. Ça a été quasiment, même Clinton l'a quasiment reconnu elle-même. C'était la candidate de l'establishment, puis si l'establishment du parti veut que quelqu'un rentre, ben c'est cette personne-là qui va rentrer, ouais. malgré le fait que c'est des primaires, puis que c'est en théorie tout le monde qui vote. C'est pour ça. Qui va être le représentant? Le représentant, le candidat à présidence. Fait que c'est ça. Fait que, bon, Bernie, ça a été un rendez-vous échoué. Mm-hmm. Mélenchon, de la façon que ça fonctionne aux États-Unis, en France, c'est plus ouvert, les présidentielles, ce qui fait que Mélenchon, malgré le fait qu'il n'est pas soutenu par un gros parti, pourrait très bien se retrouver président. Okay. Ça pourrait être flyé parce que, bon, l'Assemblée nationale, c'est une Assemblée nationale. Ça, je le cherche tout à mes risques, comme au Québec. C'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale appartient au gros parti, okay. l'ex-parti socialiste et le parti de droite qui change de nom à toutes les élections, qui était, entre autres, le parti de Sarkozy. Si on se rappelle, là, c'est un des noms qu'on reconnaît pas mal. Mettons, Hollande, lui, c'était le parti de gauche qui est rendu un parti de centre mou, comme j'expliquais tantôt, de position pour choquer personne. C'est pas mal ça. Ça a été reconnu pour être le gouvernement. D'ailleurs, Hollande a été reconnu pour être le président de gauche le plus à droite. Mm-hmm. C'est vrai. Ça a été beaucoup dans la droite économique, c'est ce qu'il a fait pendant sa présidence. Pas pour rien que ça ne représente pas, d'ailleurs. Ça a été un des présidents les moins populaires en France pendant sa présidence. Mais Hollande, il a eu difficile. Ouais, c'est ça. À part de ça, un exemple qu'on a au Québec, Amir Kadir, ouais. est un peu de la même vague parce que c'est ce qui est drôle. Il commence à avoir un prototype un peu de ces politiciens populistes, entre guillemets, de gauche. Puis quand je dis populiste, c'est ça, c'est qu'ils sont proches de leur base. Parce ouais. que la gauche a eu de la misère dans les dernières années. C'était une gauche d'intellectuels. Là, c'est vraiment une gauche de proche des militants, proche des gens. Mélenchon, entre autres, dans un rallye dernièrement, les gens, il fait un discours avec ses partisans. À la fin de son discours, ses partisans se mettent à scander son nom, Mélenchon. Et lui-même, il les arrête, il dit « Arrêtez ça tout de suite, je ne suis pas un homme providentiel. Mm-hmm. » Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut arrêter de le voir comme un messie. Ouais, c'est ça. Il faut arrêter de voir des messies en politique. C'est pas Mélenchon qui va faire la job, c'est ça qu'il lui-même disait. Il dit « C'est vous qui allez faire la job. Vous êtes souverain. en France. Dans les démocraties, c'est ça, c'est le peuple qui est souverain. Exact. Fait que, lui, c'est le fun qu'il ramène. Il l'a dit carrément comme ça. Puis bon, c'est justement les grandes formules à la française puis tout ça. Bernie Sanders, c'est ce qu'il fait depuis mm-hmm. l'élection, depuis que Donald Trump est rendu assis au bureau ovale. C'est ce que Bernie Sanders continue de faire. D'ailleurs, les autres démocrates sont très timides depuis l'élection de Trump. On dirait qu'ils n'en reviennent pas. Ouais, c'est ça. Le démocrate qui monte aux barricades, qui est en avant du débat, qui lead un peu l'opposition au Trumpisme, on pourrait dire. Ouais, on pourrait. Ben, c'est Bernie Sanders. C'est Bernie, ouais. C'est lui qui, bon, quand ça a été discuté, là, quand on était dans la pause où ce que Trump essayait de réformer ce qu'on appelle l'Obamacare, qui est le Affordable Care Act, qui est probablement le plus gros héritage de Barack Obama. Ouais, ouais, ouais, vraiment. Qui est une sorte d'assurance universelle pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir l'assurance privée, parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Ils n'ont pas de RAMQ. L'Affordable Care Act, ça veut essayer d'en créer une, dans le fond. Dans le fond, Trump voulait modifier ça parce que c'est considéré quand même comme étant une mesure milieu. Puis bon, je ne referai pas le débat de ça, mais c'est Bernie Sanders qui est allé débattre de ça. C'est pas Hillary Clinton, c'est pas un autre membre du fameux establishment du parti, c'est Bernie Sanders. Exact. L'autre personne qui va un peu plus, c'est Elizabeth Warren qui, son combat présentement, c'est d'empêcher les nominés aux gens que Trump essaie de nommer sur le conseil exécutif. Ouais. Dans le fond, les genres de ministres, eux autres, c'est des secrétaires, mais c'est la même affaire que nos ministres. Parce qu'aux États-Unis, ça peut être des non-élus aussi. Okay. Elizabeth Warren, elle amène un combat plus du côté du... Ah, je me rappelle jamais, c'est le Sénat ou le Congrès. Ça fait dur, hein? Mmh. Chronique avec podcast. Correct. Je me suis pas préparé. Puis la politique américaine, ça en est une autre qui est compliquée. Ouais, c'est ça, exact. Nous autres, au Canada, c'est tellement simple à la base. Quand nous autres, c'est juste des lois non écrites, en fait. Ça. Fait que c'est, tu sais, on a une structure de base, puis après ça, c'est, tu sais, parlez-vous, genre. C'est nous autres, c'est vraiment ça. Fait que ça donne que des fois, on a des pas pires tyrans aussi. Quand même. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'Elizabeth Warren, c'est la petite exception, mais je parlais d'Américadir. Américadir, c'est un Bernie Sanders avant le temps, on pourrait dire. Hein, très combatif. Qui se veut plus proche de bon, c'est sûr qu'Amir Kadir, si vous regardez dans les médias mainstream au Québec, il est souvent montré comme justement l'exemple de la gauche d'intellectuel puis tout ça, mais aller dans une conférence d'Amir Kadir, parce que souvent ça c'est du creative editing comme on dit en anglais, on y va, les médias vont souvent aller prendre le petit bout de l'interview, ce que le point nasaire, mais Amir Kadir est... Si vous allez dans une conférence, c'est pas pareil. Puis là, je vais dénoncer le fait que j'ai ma carte de QS. Fait que, tu sais, je vais sonner comme un fanboy un peu. Mais c'est un exemple de ça. Là, à cette heure, Gabriel Nadeau-Dubois qui pète un peu le stencil parce que c'est un peu la même chose. Il va avoir beaucoup le même langage que Mélenchon dans le sens qu'il va... beaucoup aller chercher la base. Bon, c'est sûr que des fois, quand t'as 25 ans, c'est un peu plus facile de se laisser un peu emporter dans... Le petit culte de la personnalité qui se fait autour de ce genre de politicien-là. Fait qu'il a été moins fervent, mais il a quand même dit très clairement, non, il faut ramener la politique vers le peuple. Faut que les gens se reconnaissent dans la politique. Faut arrêter d'avoir une politique d'élite. Ouais. Sa fameuse, dans son discours là, d'entrée en politique, sa fameuse ligne qui a fait sourciller beaucoup de gens, la classe politique depuis 30 ans trahit le Québec, trahit les Québécoises et les Québécois, c'est ça, c'est comme ça qu'il l'a dit, puis c'est important de le dire. Ça reste qu'il vient de se qualifier dans le club des politiciens de gauche populistes dans le sens de anti-élite. Oui, tout à fait. Puis ça, ben, c'est une nouvelle tendance qui est le fun de voir aller parce que depuis les crises financières des années 80, c'est la droite qui a le beau jeu du pouvoir quand même. La droite économique, comme je dis, la droite molle qui va souvent tout faire pour ne pas choquer, mais qui tranquillement, pas vite... Va choquer. tranquillement, pas vite, démantèle le filet social peu par en arrière, finance la grosse entreprise. Le PLQ, c'est un bel exemple de ça, quelque part présentement. On parlait de Bombardier la semaine dernière. C'est un bel exemple chose, de ça. T'sais. Les partis de droite molle, mettons, on va dire, ou de mou, là, parce qu'ils vont avoir des politiques de gauche sur certaines affaires quand même. Mm-hmm. Ils démantèlent pas totalement. Bon, le PLQ, dernièrement, le dernier règne, il y a eu un papier démantèlement, mais quand même, ils réinvestissent. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un peu touché de les positionner, puis souvent, une affaire que les commentateurs, on va dire, c'est qu'à cette heure, d'ailleurs, c'est plus difficile de juste mettre ça sur une dichotomie gauche-droite puis dire ben c'est un continuum entre les deux. Ouais, c'est plus complexe que ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça vient de la première Assemblée nationale française, cette division-là. Les partis qui étaient plus pour l'industrie s'assoyaient plus à droite de l'Assemblée, parce que c'était comme une espèce de U. À l'Assemblée nationale française, à l'origine, les députés qui étaient plus pour l'industrie s'assoyaient à droite ensemble parce qu'ils s'entendaient bien. Puis les députés qui étaient plus pour le peuple puis les droits des travailleurs se mettaient à gauche. C'est comme ça que ça a commencé. Là, je résume beaucoup. Là, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est ça, je le résume pas mal. Bon, c'est ça. Fait qu'on c'est un peu plus difficile à cette heure. On se rend compte que faudrait le faire en trois dimensions souvent. Ouais. Souvent, il y en a qui vont en mettre au moins une autre qui est assez une autre dimension. Ça va être l'autoritarisme. Les plus autoritaires ou les plus libertaires. Ouais. Fait qu'on met un autre axe. Puis là, ben, il n'y a pas encore de gros consensus sur on fait ça en 3D, là, sur un plan cartésien en 3D. Qu'est-ce qu'on met sur l'axe des Z? Ça, on n'est pas encore trop d'accord. Mais déjà, l'autoritarisme, libertarisme. Le socialiste, ça va être autoritaire de gauche. L'anarchiste, ça va être libertaire de gauche, ainsi de suite. Les libertariens, c'est libertaire de droite, ainsi de suite. Libertarien, c'est comme Éric Duhaime, c'est le moins d'État possible, le reste, on s'en sacre. Ouais, ça va être à peu près ça. Bref, tout ça pour dire que ben c'est intéressant, puis je vais conclure en fait sur une... C'est intéressant à voir aller, en fait, sur une nouvelle tendance. Présentement, les Y, en fait, on commence à être le groupe démographique le plus important dans le monde. Faut voir relativement aux places. Fait que si on commence à s'intéresser à la politique pour la peine, puis je pense qu'on commence à le faire, qu'on s'empower un peu en tant que groupe d'âge, en tant que génération, mettons, ben peut-être que les politiques vont un peu mieux nous refléter, puis on va peut-être avoir un autre âge d'or comme les boomers ont eu dans les années 70. Je pense que c'est en ligne pour ça. Hein? On espère. Ça commence à regarder. Mais on est timide par rapport à ça. C'est intimidant, les générations d'avant nous autres qui étaient des gros blocs. Nous autres, on est plus éclatés, entre autres. On se ressent moins entre nous autres. C'est vrai. C'est plus touché, mais en même temps, on commence à avoir des tendances. On a eu cette version-là d'individualisme un petit peu qui fait justement qu'on est tant différent. Bien là, on pourrait faire de la sociologie longtemps, mais on l'est peut-être, on l'est quand même un peu plus. Exact. On peut pas dire le contraire. T'sais, les grands projets, les grandes affaires, on a plus de misère avec ça, de se rallier à ça parce qu'on tient à notre individualisme, on tient à notre différence quand même. C'est une des choses. Puis là, c'est du socialisme. Ouais. C'est de la sociologie à deux scènes de chroniqueur. Là, fait que prenez ça avec un grain de sel, ce que je dis là. Regardez, moi, je le dénonce. Mais, tu sais, c'est une affaire qui va se constater dans les prochaines années, en fait. Les futures élections, là, celle-là, ça commence à être intéressant, en fait. Tu sais, pour nous autres, ça commence à valoir la peine. On commence à se voir dans ce qui ressort, tu sais. Le PLQ, dans les dernières élections, il n'y avait pas trop à le faire. Les plus vieux des Y... Les plus vieux des Y ont début-milieu trentaine. Là. Fait que, c'est pas encore tout à fait là, mais dans les prochaines élections, ça s'en vient. Ça va... va falloir qu'ils prennent en compte. Où est-ce que je voulais clore ça, je parlais tantôt du livre de Joseph Heath, Enlightenment 2.0. Il finit un peu en disant le populisme, puis là, quand je parle de populisme, c'est vraiment le populisme dans le terme le plus négatif. Puis je pense qu'on est en train d'y donner tort, en fait, mais il disait le populisme de droite, faut pas que la gauche réponde avec du populisme de gauche, faut y répondre avec des humoristes. Mais en fait, lui, il parlait plus des démagogues, en fait. Fait que les démagogues de droite, faudrait plus y répondre avec des humoristes plutôt qu'avec des démagogues de gauche. Mais une gauche qui revient plus vers le populisme, ça donne peut-être des chances d'équilibrer un peu les affaires. Puis je rêve d'un futur où le débat politique au Québec ne se fera pas entre le PQ puis le PLQ. Qui ont souvent à peu près les mêmes positions. Le PQ se fait élire, comme je disais, sur là, on n'est pas les libéraux. Puis bon, finalement, quand ils sont au pouvoir, ils font à peu près les mêmes affaires, mais avec le petit côté plus nationaliste. Puis il faudrait que je finisse, hein? Ça fait une demi-heure que je conclue. Je sais que le retour du roi. C'est pas si pire. mais 4-5 fins. Mais c'est ça, je rêve d'un moment où ce que le débat va être peut-être entre QS puis la CAQ, des choses comme ça, des nouveaux partis qui ont pas, qui sont pas dans le qui sont pas en anglais, il y a un mot entrenched, qui sont pas là enracinés, puis des parties d'habitude, puis de qui, c'est trop facile pour eux autres de tomber dans le mou, puis dans le facile, puis dans le on change plus rien, on maintient. C'est un peu ça en fait. Fait que ben c'est ça. Moi, ben garde ça, espoir, parce que je pense que ça je pense que ça s'en vient, comme tu le dis, avec la prochaine génération. Ça regarde pour ça. On va dire ça comme ça, avec la prochaine génération. C'est ça. Au retour, on va discuter probablement nourriture un petit peu, tout ça dans Assemblage requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. Assemblage requis. Oh oui, toujours dans l'émission Assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Sébastien vient tout juste de nous quitter. Le mercredi, vous le savez, c'est un petit peu notre journée qui est la plus remplie, parce que c'est la journée où il y a le plus grand nombre de chroniqueurs, bien souvent. Alors, en studio avec moi, et là, je cherche le bon micro qu'il a, c'est Xavier Méclich. Bon matin. Bon matin. Mais tu mets toujours cette chanson-là quand j'arrive, juste pour que je l'aide en tête pendant deux jours. Assemblage requis. Ben oui, oui. C'est le thème musical de l'émission. On peut pas faire autrement. Non, mais t'en as comme 10 thèmes musicaux. Ouais. Puis tu mets toujours lui, comme pour que je l'entende, pour que je sois sûr de l'avoir dans la tête pour c'est les prochains jours. Exactement. Merci. C'est pour être sûr que tu te souviens que t'animes un assemblage requis. Xavier, la semaine passée, on jasait que tu voulais te faire couper les cheveux. Tu l'as fait. Non seulement je l'ai fait. T'as comme plus de cheveux. Ben oui, mais il y a plusieurs raisons. Là, tu l'as fait comme 5 minutes après avoir quitté le studio. En fait, ça, je suis arrêté au premier barbier du coin, puis j'ai dit, c'est combien pour une coupe? Il m'a répondu un prix. J'ai dit, au clipper numéro 2, s'il vous plaît. Il a dit pas de problème. Donc ça s'est fait dans les minutes qui ont suivi. Oui, j'ai quitté ici à 9h10 et à 9h15, je décrivais que j'étais rasé. Fait exact. Qu'en temps de 5 minutes, j'étais rasé. Mais il y a plusieurs raisons pour ceux qui veulent savoir pourquoi je me rase aussi vite. Parce que moi, je suis un gars qui... pour ceux qui me connaissent pas, là, si vous avez déjà vu un malgache qui est le monde de Madagascar, après comparaison, je suis la même couleur qu'un malgache. Ouais. OK. Donc, j'ai la même peau aussi. Donc, en dedans d'une semaine, en ce moment, je suis bronzé. J'ai une démarcation de bronzage. C'est ça. Ça, j'ai envie de dire. En ce moment, oui, j'ai bronzé. Il y a fait soleil deux jours, là, à Québec. Oui. Que vous avez pas reçu à Trois-Rivières. Est-ce que nous, on a pas eu une journée, là, finalement, avant-hier? Oui, ça. Donc, et moi, j'ai bronzé à Québec. Et j'ai une démarcation, en ce moment, dans le bas du dos. OK. Comme je vois que je suis bronzé, là, les manches, là. Ben oui. Donc, si je me serais pas rasé, j'aurais tout le tour de la tête une belle petite ligne blanche qui fait le tour de mes oreilles, qui donne l'impression que je vais mettre du fond de teint. Oui. Puis que j'ai oublié une ligne sur le bord de mes cheveux. Ça aurait été malaisant un petit peu. Hein? Un petit peu, ouais. Juste un peu. Un peu. Mais ça te va bien les cheveux comme Merci. Ça. Merci. On me dit que j'ai l'air d'encore plus d'avoir 8 ans. Ben, je trouve pas tant que ça, moi. Pas tant que ça? Ouais. Tu m'as dit ça cette semaine, puis je trouvais pas. Ah, on me. Mais voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui le savaient pas, j'ai pas de dessin dans le fond de la tête. Non, c'est juste coupé, là. C'est juste coupé. Mais ça va te faire. J'imagine que c'est comme une nouvelle coupe l'été pour une fille. Ça va te faire du bien. Ça va te rafraîchir. C'est la douche. La douche. C'est là que tu vois la différence. OK. Ouais. Quand tu prends une douche puis que tes cheveux mouillent. Ouais. Mais ça mouille plus vite. Écoute, ça mouille et ça sèche plus vite. Ah, c'est ça. Parce qu'à l'impression que je n'avais. J'étais comme un canard. Il y avait juste le... Ça te coulait sur Ça paraissait mouillé, mais ça l'était pas pantoute. C'est ça. Les laver, c'est un petit peu plus difficile dans ce temps-là. Écoute, là, regarde. Il mouille dehors, j'ai les cheveux mouillés. Puis je peux mettre du shampoing, puis sont secs dans deux minutes. Ah, c'est merveilleux. Bon, on passe à nos chroniques maintenant. Ben oui, pourquoi pas. Xavier, t'étais probablement à la finale de la Luître cette semaine. Non. Même pas. Ah, mais non, jamais. C'est pour ça qu'on va faire dans les coulisses de la Luître. Ouais! Oui. dans finale. Les... Oh mon Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas présents, là, à chaque année, là, comme moi, dans toutes les ligues, ouais, comme Tania qui nous parle de la huître depuis combien d'années, hein? C'est faux. En temps normal, c'est Mathieu qui non, parle non, de mais, la huître. Hein, dès là, t'écoutes la huître, tu dis, ah oui, c'est vrai, ah ce joueur-là, ah cette personne-là. Combien de fois t'es allé à la huître cette année? Ah, c'est la question. Je suis en train de mercredi que la fille n'est pas plus convaincue. Comment tu veux que je convainque le monde seul, à la radio? La seule fois que j'ai vu l'improvisation de la huître, c'est pendant le carnaval. Fait que tu m'as même pas vu jouer! Non! Ouch, Tania! OK, comment tu veux que je convainc le monde... convainc le monde qui écoute l'émission? Ouais. Si même toi, t'es pas convaincu. Mais c'est parce que... C'est pas que je suis pas convaincu, c'est que j'ai pas le temps. Tu sais, tu vois, une émission là, comme ça, là, de 2 heures, là, c'est minimum 6 heures de préparation. Se fait la veille. OK. Donc, fait que, mettons que tu le ferais le dimanche puis tu viendrais à la lutte le lundi. Mais le dimanche, des fois, j'ai des contrats. Tania Beaudin n'est pas convaincue. Tania, tu m'as jamais vu faire d'improvisation puis on en parle depuis maintenant 15 je semaines sais. Plus l'autre session. Ça fait, mettons, 20 semaines qu'on parle d'impro. Ouais. Puis, ouais, je sais. Fait que tu connais même pas les références. En tout cas, voilà. Mais non, mais c'est faux. Je connais quand même un peu l'improvisation parce que j'ai mais les références cette année. Puis, oui, je comprends. Mais non, mais surtout parce que j'en entends parler à chaque semaine. Tu sais, Mathieu, il y va. Fait qu'il me fait déjà un compte rendu avant que vous veniez à l'émission. Parce que moi, j'adore Mathieu. Mathieu, là, si tu écoutes, je t'adore. Okay? Mathieu, il écoute, c'est sûr, présentement. Mathieu, écoute. Tu peux m'écrire sur Facebook, là, je l'ai ouvert, mais je t'adore. Puis tu nous as manqué cette année, c'est pour ça que tu as gagné membre. Tu as été nominé pour le membre le plus utile à la ligue, qui est le dynamise à l'interne. Et oui, tu as été nominé pour cette catégorie-là parce que tu dynamises la lutte, puis tu nous as manqué en fin de saison. Voilà, maintenant que ce petit message cute est fait à Mathieu, passons aux choses sérieuses. La finale. Oui. C'était bondé. Écoute, il n'y avait pas d'espace pour personne, il y avait du monde debout jusque derrière le bar. C'était rempli de personnes. C'était un... Les gens derrière le bar, là, c'était ceux qui travaillaient là. Non, il y avait du monde qui était coincé parce qu'il n'y avait plus de place. Mon Dieu, c'était plein. Quasiment fallu. Il y avait plus de rack, il y avait plus de chaise dans le rack à chaise. Tu vois, finalement, j'ai bien fait d'y aller, j'aurais pas eu de place. Mais oui, t'aurais eu de la place. Et comme je t'ai dit, j'étais accompagné de ma... Oui, de ta dulcinée. De ma dulcinée. Et elle arrive, tout ça, et on se ramasse avec cette réalité-là de beaucoup de monde. Puis on est arrivé à 7h30. OK. Puis c'était plein. Mais ça commence à 7h30. À 8h. À 8h, OK. Donc, pour donner une idée comment il y avait du monde. Et le match commence. Quel match d'impro, Tania. Ça a été serré jusqu'à la fin. OK. Ça a été un match... oui, peut-être plus cabotant qu'à l'habitude, vu au stress, dû à la quantité de personnes, dû au rire facile qu'on devait aller chercher. Oui, on a peut-être joué quelques improvisations pour le point. Oui, il y a eu des petites blagues faciles qui ont été faites pour gagner l'impro, mais... Est-ce que ça m'énerve? Oui, moi avec, mais c'est correct. C'est beau, c'est soit toi qui se tassais ou moi qui allais faire ça. on se voyait comme pas. On se parlait, mais on se voyait pas. Voilà. Donc, et là, c'est joué sur des improvisations. Ça a été loufoque, c'était plein d'univers, ça a été de l'amour. Puis là, ce match-là a été vraiment bien reçu du public. Les rires tout le long du match. Mm-hmm. Et c'est une victoire, comme je l'avais dit, comme j'avais pensé la semaine passée, des oranges. OK. Et j'avais dit que ça allait dépendre d'un seul joueur. J'avais dit ça la semaine passée. Oui, si je me souviens bien, oui. Et ce joueur-là a fait la différence dans le match. C'est Jocelyn Garneau qui a encore tiré une performance incroyable. Et puis là, tu sais, Jocelyn, oui, il a de l'expérience. Oui, c'est un joueur qui nous quitte après un an. Il a arbitré à la limite, mais Jocelyn a fait une différence dans les Oranges cette année. Il a été le noyau des Oranges avec Alexandre Marchand. Et puis il a pris cette équipe-là puis il l'a amené à la Coupe avec son expérience. Et on... Faut le féliciter, faut lui lever son chapeau. Et c'est pour ça qu'on a voté pour lui pour joueur par excellence de l'année. Il repart de la huître avec un an d'expérience comme joueur. À la huître, parce qu'il y en a comme 12 à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et le titre joueur par excellence. Il a été nominé contre Vincent Rainville et Alexandre Ramirez-Wicky. OK. Et Alexandre Marchand, si je ne m'abuse. De grosses pointures. Vous me laissez 15 secondes pour vérifier l'information que je vous donne. Oui, certainement. Alors, c'est ça. Donc, pour finir le match, Jocelyn Garneau a amené cette équipe-là sans rien enlever au vert, qui ont tiré un match vraiment incroyable. Faut avouer que c'est le match qui s'est joué sur toutes les impros. Chaque improvisation est importante. Chaque mot était quasiment important dans les mix parce que ça s'est joué des fois sur une blague un peu non écrite. OK. Comment dire... des blagues qui étaient là, tu sais, ouais. Genre juste un jeu de face, une mimique qui faisait la petite chose de plus. Donc c'est ça. Donc finalement, on y va. Donc les joueurs par excellence, c'est Francis Gré-Lampron, Justin Garneau, Alexandre Laramire-Zwicky et Vincent Réville. Je tiens à dire qu'il y a deux bleus. Oh! Et le gagnant, c'est Justin Garneau. Puis moi, j'avais mis la main au feu avec mes amis. Je me disais, s'il ne remporte pas joueur de l'année cette année, je sais pas qui peut le faire parce qu'ils ont tout, sans rien enlever à Francis puis aux deux joueurs qui jouent avec moi, Zwicky puis Rainville. En partant, quand t'es deux nominés joueurs par excellence dans la même équipe, c'est qu'en partant, il y en a deux qui sont démarqués de la même équipe. Donc, t'as pas été le joueur par excellence, c'est lui qui a pris en charge, qui a pris le lead d'une équipe. Il fait, OK, on part de là puis on s'en va où? On s'en va là. Mais Zwicky puis Rainville sont bons, les deux sont dans la même équipe. On avait vraiment une belle équipe, les Bleus, cette année, je le dis tout le temps, mais on se le fait dire aussi, fait que c'est quand même cool. Puis, Justin Garneau, lui, il était pas seul parce qu'il y avait Alexandre Marchand, mais ouais. il avait plus ce règne-là, il donnait plus les règnes de son équipe, puis il était complet. Il construisait, il était puncher, il avait du physique, il faisait tout, Justin, cette année. Puis c'est pour ça qu'il y a d'autres nominations qui s'en viennent. On va les nommer. Joueuse par excellence, Margali Brousseau-Arcan des Rouges, Céline Dozier-Côte des Verts, qui a, elle, avec Francis Dugré-Lampron, tu sais, comme on dit, il y a des duos dans d'autres équipes qui ont pris les rênes. Francis Dugré-Lampron et Céline Dozier-Côte ont pris les rênes des Verts ensemble. Francis étant un gars et Céline Côte, chacun nommé dans une catégorie. Et Alexandrine Pichessir des Bleus, nominée encore. Et la gagnante, sans aucun doute de ma part, j'étais certain qu'elle allait gagner. Voilà. Elle est amusée avec mon français ce matin. elle a remporté Céline Dodier-Côte. OK. Les Verts sont en finale parce que Céline a tenu ces trois gars fous là ensemble. Puis voilà. Seule fille de l'équipe. Avec le sub. Ouais, c'est ça. Parce que dans les bleus, il y a deux filles avec la sub. Oui. Dans les rouges, il y a deux filles avec la sub. Et dans les oranges et les verts, il y a une seule fille. OK. Ça m'inclut. Dans les joueurs constructeurs, il y avait Marc-André Fortin et Maf, compteur aussi, là, que vous pouvez voir en spectacle. Justin Garneau, qu'on vient de nommer joueur par excellence, et Vincent Rainville. Et qui a gagné? Vincent Rainville, des bleus. Écoute, Vincent Rainville, il me disait, faut pas le citer, je pense pas être nominé cette année. Moi, je riais dans mon chapeau. après la demi-finale, il me dit, je pense pas être nominé cette année. Tu sais, j'ai pas tiré une si grosse saison que ça par rapport à l'année passée. Moi, je riais dans mon chapeau un peu, puis j'étais comme, ouais, c'est ça, tu seras pas nominé. Ah, bonne blague. On est rendu à combien de nominations pour Vincent Rainville? Deux pour le moment, dont une qui a gagné. Excellent. Ouais. Donc, Vincent Rainville. Qui apporte sur le constructeur. Un joueur constructeur, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui construit, qui fait l'impro, qui amène l'histoire, qui fait hey, écoute, on va. Hey, as-tu remarqué, il y a un tap-tap là. Oh, OK, l'histoire change de base. C'est ça, ce joueur-là. Et c'était la force des Bleus cette année. Je pense que Vincent a amené ça. Zwicky est très bon dans ce domaine-là. Moi, j'avais mon petit chapeau, puis Alexandre Pichessir avait cette force-là. Donc, joueur constructeur, ça allait la panne à un Bleu, selon moi. Ça allait enlever aux autres équipes parce qu'on était l'équipe qui construisait le plus. Et Justin Garneau des Oranges qui était là. Ouh. Et Marc-André Fortin dans son équipe était le joueur le plus le plus groundé, lui qui avait plus d'histoire, donc oui, il méritait sa place aussi dans cette nomination-là parce que c'est le joueur qui jouait ce rôle-là pour les Rouges. Mais sans aucun doute, c'était un Bleu qui devait repartir avec ces prix-là parce que selon moi, parce que c'est l'équipe qui était le plus construite, qui avait plus d'histoire, il y avait plus de donc c'est ça. Et le joueur le plus apprécié par ses pairs. Donc ça, c'est le joueur qui s'implique dans la ligue, qui donne toujours son petit coup de main, qui est tout le temps là. Qui est tout le temps là, puis qui est joyeux, qui met un petit peu de joie de vivre dans la ligue. Les nommés sont Marc Lachance des Verts. OK. Marc Alexandre Laramire-Zwicky des Bleus. Oui. Et Vincent Rainville, qui m'a dit qu'il n'y aurait pas de nomination. Il est donc rendu à 3. Ouais. Tu sais, on va se le dire, Vincent, t'as eu 3 nominations, dont un que t'as gagné. Faut que t'arrêtes de te sous-estimer. C'est ça. Hein? Voilà. Qui a gagné? Qui tu penses? Alexandre Laramie-Zouki. Alexandre Laramie-Zouki. Les Bleus encore. Ah, les Bleus. Je vous aime, les Bleus. Zouki a été de la finale comme animateur. Il a fait les logos de la... Ah, je l'ai pas. Je pensais l'avoir mis ce matin. Non. Les logos de la Luître. On avait notre poche et fils. Je sais pas si tu as vu, oui. Mathieu, avec. Il a fait toutes les bannières Facebook, les logos de la Luître. C'est lui qui a fait les prix pour l'équipe staff. Des montages photos, c'est lui qui a fait... écoute, il a tout donné cette année pour la Luître, Zouki, malgré son stage. Mm-hmm. C'est et vrai. Ça, là... Les joueurs en stage, oui, il y en a qui sont dans différentes villes. Je pense entre autres à Jonathan Picard qui vient de l'Abitibi, qui va sûrement s'en aller l'année prochaine dans l'Abitibi. Mais c'est ces joueurs-là en stage qui donnent quand même leur coup de main, qui font quand même une différence dans la ligue. Parce qu'il y avait peut-être pas nécessairement le temps de tout donner, mais il l'a fait pareil. Il mm-hmm. a donné plus que qu'est-ce qu'il fallait qu'il donne. Écoute, il y a un joueur qui est pas là, le plus apprécié par ses pairs, qui s'appelle Jonathan Picard, que je vais nommer en Abitibi. Et je devrais le souligner en onde. Jonathan a monté la salle à tous les soirs. Oh my God! Qu'il ne joue pas. Qu'il soit dans l'équipe staff ou qu'il arrivait à l'avance, à 6h30, il était là, puis il commençait à monter la salle. Et ça l'a passé un peu sous le silence de tous. Selon moi, Jonathan Picard a été un des joueurs les plus impliqués cette année, qui aurait dû être nominé au moins dans cette catégorie-là, puis apprécié par ses pairs. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais je le souligne maintenant. Jonathan, félicitations, tu méritais ta place. Là. Maintenant, on en a parlé, tu m'as écœuré avec ça. Je vais en coup de cœur du public. Oh! Tu sais, j'en parlais, il faut que le monde vote pour. C'est vrai. Parce que c'est important. Pour vrai, c'est la place où vous ben oui. démontrez qui vous avez aimé voir jouer. Et là, j'ai été surpris. Parce que. Tu sais, on a parlé des Oranges. Ouais. Qui ont gagné la coupe. Ouais. Ils n'ont pas été énormément nominés précédemment. Non, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de bleus, beaucoup de verts. Beaucoup de rouges. Mais les oranges, au niveau du joueur coup de cœur du public. Puis c'est là que ça joue. Tu sais, je veux pas. Tu sais, c'est vous qui votez public. Là. Ouais. Intra-ligue, on voit des choses, mais vous ressentez quelque chose de public. Trois joueurs des oranges. En nomination? Ouais. Dans cette catégorie-là. Il y en a cinq, là. Ouais. Sur cinq, il y a trois joueurs des oranges. Waouh. Alexandre Marchand, le capitaine. Ouais. Le substitut Marc-André Marion Flamand. Mm-hmm. Jocelyn Garneau. OK. Alexandre Laramie-Zouki des Bleus et Marc Lachance des Verts. Wow. Trois joueurs des Oranges. C'est là que... Tu vois, tu sais, quand je disais, allez... Ouais. Moi, j'étais vraiment surpris. Ben, pas du gagnant, mais qu'il y ait trois joueurs des Oranges dans la catégorie coup de cœur du public. Tu sais, les Oranges avaient fini troisième au classement général à deux points de la tête. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'était une saison serrée. Puis, tu sais, c'est normal, ça s'est joué sur des impros. Puis, les impros étaient meilleurs, mais... Que vous ayez nominé trois joueurs des Oranges, dont le sub. Ouais. Bien avant des Vincent Rainville, des... ça prouve quelque chose. Ça prouve que c'est l'équipe que vous avez aimé voir jouer cette année. Puis, quand on dit qu'on peut se gager avec les prix, ça, c'est un bon exemple. Pourquoi les Oranges ont remporté la coupe? Probablement parce que vous aimez les voir jouer, parce que c'est pour eux que vous avez voté. Pas nécessairement parce que c'est l'équipe qui est la plus construite, parce que c'est l'équipe que vous avez plus aimé voir jouer. Aussi simple que ça. Ben oui. Malgré là, les bleus qui étaient constructeurs, les rouges qui étaient hyper puncheurs, c'est les oranges avec leur style loufoque que vous avez plus aimé voir jouer. Le gagnant, il quitte avec son premier trophée en tant que capitaine et le coup de cœur du public, Alexandre Marchand. Premier du nom, qui quitte la Luître. Je lui lève mon chapeau, c'est un joueur qui est loufoque, qui a un univers particulier et qui joue d'instinct. Tu sais, des joueurs qui pensent à ce qu'ils font, qui mm-hmm. connaissent l'impro, qui ont vu beaucoup d'impro. Pis... Non, lui, il joue d'instinct. Et pour ça, je le félicite. Finalement, recrue de l'année, les nommés Jocelyn Garneau. Il a gagné le joueur par excellence. Samuel Fortin, des Verts. Mm-hmm. Et moi-même, Xavier Méclich. Le gagnant, des Verts, Samuel Fortin. Oh. On le félicite. Écoute... Écoute, il s'en va à l'école nationale de théâtre. Ouais, c'est ça. T'sais, qu'est-ce que tu veux y enlever? Puis, tu sais, non seulement il a joué avec les Verts, mais il a aussi remplacé dans les Oranges une semaine. Mm-hmm. Puis, il a fait que les Oranges ont gagné ce match-là. Écoute, Samuel Fortin mérite pleinement ce prix-là. Puis, je lui lève mon chapeau pour ce qui s'en vient. Mais là, moi, ce que je trouve ironique dans tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui me rend ironique dans tous ces prix-là, c'est que j'essaie de parier. Mathieu, si tu veux parier avec moi, on le fait. Je parie que tous les joueurs qui ont gagné ces prix-là cette année, donc on parle de Jocelyn Garneau, Céline Descôtes, Vincent Rainville, Zwicky, Alexandre Marchand et Samuel Fortin. Ouais. Je parie, je préparais 200$ qu'il n'y en a aucun qui remporte un trophée individuel à la lutte l'année prochaine. Ah, oh, tu penses? Mais il n'y en a aucun qui revient. Ah, dis comme ça. Parce que c'est tous des joueurs qui nous quittent. On les salue, ils finissent sur une belle note. La tête haute, ils quittent cette ligue-là. Mais yo, c'est la première année, je pense, qu'aucun joueur nominé ou nommé gagnant revient l'année d'après. C'est vrai? Genre, mais, tu sais, à part Zwicky qui veut nous faire une surprise. Mm-hmm. Mais qui veut arbitrer, fait que, tu sais. Ouais, c'est différent un peu. Il va revenir, mais il pourra pas gagner, joueur par excellence. Non. Tu sais. Est-ce que Mathieu est en train de t'écrire en même temps que t'animes? Il veut pas, il dit qu'il va bêter. Ok. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'aucun de ces joueurs-là, parce qu'ils reviennent pas. Et on a eu des petits prix, des petits cocasses, là, intra-ligue. Et Mathieu a fait une blague qui a été nommée. Okay. Puis j'aimerais ça vous la dire parce qu'il y avait le prix Petit Phoque Blanc. Ok. Parce que c'est tous des animaux marins. Ouais. Qui était le joueur le plus cute. Ok. Et Mathieu a fait que j'ai gagné ce prix-là. Ok. Ben, d'autres personnes, mais entre autres le vote de Mathieu qui a dit Xavier qui a 12 ans. Merci Mathieu pour cette belle phrase dans les sondages qui a fait que j'ai remporté le prix du joueur le plus cute, mais comme l'apparence. Ouais. Et Francis Dugré-Lampron qui fait « Il est tellement cute que moi aussi je le tirais avec un fusil puis un bat de baseball dans le nord. » Mais quelque chose comme ça, une blague de fuck, il fait qu'il le tuait puis moi aussi. Mais non, et voilà, je voulais juste faire cette blague-là pour Mathieu. Et on a eu plein de prix internes super intéressants par après. Soyez là l'année prochaine, présentez-vous au camp, osez le faire parce que même si vous n'êtes pas sûr si vous voulez vous allez aimer ça, essayez-le. Vous avez rien à perdre, de toute façon on vous juge pas, on est là pour vous amuser puis faire des sketchs en jogging entre quatre bouts de bois. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut pas être mieux décrit que ça. Mais c'est. Non mais. Tu sais, il y a du monde qui vient pas du Québec. Ouais. Genre. Comme hors Québec, puis là, ils me demandent ah, c'est quoi l'impro, nanana. Là, je suis juste, ben, en fait, là, c'est du monde en vieux souliers dans lequel ils sont à l'aise, un vieux t-shirt noir, des jogging, devant un public, entre quatre bouts de bois, puis qui font des sketchs, pas de texte. C'est ça. C'est carrément ça. Mais l'impro, c'est la chose la plus simple. Ben oui. Voilà. C'est vrai. Au retour, Xavier, tu nous parles de quoi? Ah, des problèmes avec les beaux-parents. Mais là, il y a des choses que j'ai vécues, que j'ai fait. Que tu vas nous dire? Que je vais te dire, mais je dirais pas lesquels c'est moi et lesquels c'est pas moi. Est-ce qu'il faut que j'essaie de deviner? Ça tente. OK, c'est bon. Tout ça au retour dans l'assemblage Reiki. C'est fou! 89. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. L'antenne de Cifou 89.1 FM pour l'émission matinale Assemblage Reiki. Et toujours en studio avec moi, c'est Xavier McLeish. Yes, sir. Xavier, la semaine dernière, tu nous as parlé... des choses à ne pas dire ou à ne pas faire en entrevue. Aujourd'hui, tu vas nous parler de beaux-parents. Oui, mais attention, là, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui ont des beaux-parents, comme les parents qui sortent avec leurs parents, tu sais, comme leurs parents divorcés. Oui. Ils ont donc un chum ou une blonde de leur mère, tu sais, de leur père. Oui. C'est pas ça que je parle. OK. Je parle vraiment des parents de ta copine lorsque tu vas venir. De ta copine. Genre, mettons que moi, Tania, on a un couple quand j'irai voir tes parents. OK. Voilà. Donc, on. Fais juste pas les voir. Ça va peut-être mieux aller comme ça. OK. Sur ce bon malaise. Est-ce que t'as une musique plus forte ou t'as... Ben écoute, si tu veux, je peux te mettre une musique plus forte, oui, en effet. Si tu me laisses 30 secondes... Je te laisse plus que 30 secondes, je peux faire des bla bla bla bla bla. C'est ça. Voilà! Donc, aujourd'hui, dans la conique, la connerie. La conique. Ouais, c'est oui, comme la ouais, mix entre conne et, conne, et chronique. On parle des beaux-parents. Oui. Donc, des choses à ne pas dire ou à ne pas faire devant ses beaux-parents. Il y en a là-dedans que j'ai fait. Et Dieu seul sait que j'ai peut-être fait des erreurs. Mais il y a des moments où c'est approprié, des moments où c'est pas approprié. Ce que je veux dire, il y a des moments que ça se fait, il y a des choses qui ne se font pas du tout. Non, c'est vrai. Donc, j'ai quand même eu quelques beaux-parents. Oui. Parce que j'ai eu des... Parce que t'étais un homme populaire. Non, parce que j'ai eu une période plus dark, mettons. Plus dark? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai... Ça veut dire que t'avais plusieurs beaux-parents en même temps? Non, plusieurs beaux-parents rapprochés. OK. Ouais. Genre qui se connaissaient bien. Non, genre les okay, relations à court terme, là. Oui. Que tu rencontres tes beaux-parents. Ouais. Genre tellement court que t'oses même pas savoir c'est quoi son prénom. OK, t'sais, court comme ça. Court là, comme ça. Là. Mais tu calculais tout ça comme tes beaux-parents? Non. Ah, OK, c'est mais ça. J'ai vu des choses et j'ai dit des choses, par exemple. Pareil. J'ai entendu des choses. Et j'espère qu'il y a certaines personnes qui écoutent cette émission-là. Oui, vas-y, continue. Ouais, mais écoute ce qu'ils veulent, là. Je serai du sage. Ben oui, c'est ça. Non, mais je parlais pas de tes anciennes conquêtes. Ah, ben ils pourraient... Je visais d'autres personnes. Si, oh, s'il y en a qui écoutent en onde, excusez-moi. C'est ça, il dira pas vos noms. Madame X. Madame X. Donc non, on y va. Oui. Les beaux-parents, souvent, tu sais, faut savoir que... Oui. Tu sors avec leur enfant. Oui. Fait qu'ils souhaitent que tu sois quelqu'un de bien. Ou que tu sors pas avec, mais ouais. Ouais, ils souhaitent quand même que tu sois quelqu'un de bien. Leur but, c'est que leur fille ou leur fils trouve quelqu'un de bien. Oui. Selon leurs critères à eux. Ouais, c'est ça. Mais va pas, essaie pas de savoir s'il... Essaie pas par tes beaux-parents savoir s'ils t'aiment. Ouais, non, mauvaise idée. Pis, comment vous me trouvez? Non! Fais pas ça! Ça, c'est non, OK? Non, mais y en a qui le font. Pour vrai? Ah, pis, tu sais, comment vous trouvez? Nanana. Tu veux-tu vraiment savoir? Non, mais tu sais, tu veux le savoir parce que... Mais de toute façon, tu vas le savoir. Ouais, de toute façon. Inquiète-toi pas. Si t'aimes pas, crée-moi, tu vas le savoir. Oh, tu vas le savoir. Puis ta blonde, elle va te dire, mettons, hey, ben, tu sais, fais attention avec mon père. Fait que, tu sais, ils connaissent eux. Tu sais, moi, je connais mon père, puis je le sais qu'il est tannant. Tu sais, ouais. Quand les filles, mes blondes arrivent, ma blonde, en fait, là, c'est, blondes, une à la fois, ouais, dit, qu'il rencontre mes parents, moi, en partant, il y a une étape que je vais parler plus tard, c'est plus sérieux quand ils rencontrent mes parents. Ouais. J'essaie que. Même si j'ai déjà fait par le passé. Ça soit pas dans un party de famille où il y a 85 non, personnes. Non, c'est ça, on s'entend. Mais quoi que ça peut être drôle. Mm-hmm. J'ai un exemple, quelqu'un que je connais, elle sortait avec un, on va dire, un Sylvain. Ouais. OK? Ouais. Parce que c'est un nom que, voilà. Puis, les messieurs ont marqué « Je suis le papa de Sylvain ». Non, mon Dieu. Fait qu'elle serrait la main de tout le monde, puis c'est marqué « Je suis le papa de Sylvain ». Tout le monde se présentait en disant « Bonjour, moi, je suis le papa ». Fait qu'elle savait pas qui était. Qui était, pour vrai? Le papa de Sylvain. Ouais. Oh mon Dieu, c'est malaisant. Elle l'a jamais vu. OK. En plus. Elle arrivait dans le party de Noël. Ouais. Elle avait jamais vu le papa de son chum. C'est son premier party avec son beau-père. Puis il y avait tout marqué sur Attends. À Noël. Ouais. Mon amie, elle s'est invitée chez son amoureux qui s'appelle Sylvain. À Noël, dans un party de Noël, ouais, avec toute la famille, mais elle a pas encore rencontré son père. Parce qu'ils ont commencé à sortir ensemble au mois de novembre, puis lui, il vient en Abitibi. Genre. Puis il l'a amené à Noël? Ouais, en Abitibi. Mais c'est comme trois mois qu'ils sont ensemble, mais en Abitibi, c'est loin. OK, c'est bon. Tu comprends? Ouais. Puis genre lui il a gardé la joke parce qu'il trouvait ça drôle. Ouais. Comme gars, il dit ah, ok non je te montrerai pas de photo de mon père nan, nan. Fait que pendant ces deux mois et demi là de relation, tu sais, veut pas, tu parles pas de ton père dans les premiers deux mois, tu parles pas trop de tes parents dans les premiers deux mois. Normalement c'est pas ton, comme ton sujet numéro un. Ouais c'est ça. Check ça c'est mon papa. À moins que tu vis avec eux. C'est ça avec eux t'as pas le choix mais donc ça, et elle s'en va en Abitibi, c'était tout marqué je suis le père de Sylvain. Oh mon Dieu. Elle tout le monde pas, était le père de Sylvain. Tous les garçons étaient le père de Sylvain. Donc, tu sais, moi, je trouve ça drôle comme situation, mais... Ben oui. Tu sais, genre, essaie de connaître tes beaux-parents. Oui, t'sais, quand même. Essaie de savoir qui ils sont, tu sais, de... Si ton beau-parent, il était boueur, puis tu lui dis que c'est important pour toi que tout le monde dans la vie ait des bacs... Oui. Tu sais que tes parents, pour toi, ils ont des bacs, puis c'est important, les études, puis blablabla. Ça se peut qu'ils la trouvent moins drôle. Ouais, ça se peut. Tu sais, c'est coiffeuse, tu lui dis, en tout cas, moi, le monde qui sont coiffeuses. Non, tu sais, connais. Demande-le un peu avant. Et, c'est ça. Donc, première étape, demander de l'information sur tes beaux-parents. Tu sais, de. Pour qu'ils sont là, tu sais, tes parents font quoi dans la vie. C'est genre avec la fille, tu vas le savoir, à un moment donné. Avec le gars. Tu vas pas dire, tes parents, là, sont comment? Non, non. Tu sais, voici subtilement, soit un agent de la CIA. C'est ça. Tu sais, comme, il y en a sur Facebook qui, en 4 secondes, ils trouvent ton ami que tu as trouvé au bar. Mais mon Dieu Seigneur, hein. Ça, hein, il y en a, hein. Ouais. Tu sais, de qui je parle, il doit en avoir une dans tes amis, ou toi-même, tu dois en avoir une. Moi, je suis une excellente stalker sur Facebook. OK. C'est mes amis, ils m'appellent pour que je stalk les gars qui. Ouais. Ils font donc, ça. Je pourrais être une agent de la CIA, tu comprends? Sûrement. Donc, sois ça, mais avec tes beaux-parents. Eh hey boy. Non, ça, par exemple. Non, mais juste voir, OK, c'est quoi qu'ils font dans la vie, ils travaillent où, tu sais, juste avoir une information de base, ouais. Au moins leur prénom puis les connaître. Oui. Si tu appelles Stéphanie, Sylvain, Jacques, ça se peut qu'ils soient déçus. OK, ouais, moi, c'est vrai. Ouais. Au moins savoir ça. Et là, les beaux-parents, tu sais, faut. Ils sont là. Ils sont là parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont eu un enfant, ils veulent que tu sois le meilleur. Ils n'ont pas le choix d'être là. T'sais, sois au courant aussi de la relation qu'il y a entre ton chum ou ta blonde et ses parents. Parce que si tu te mets chum avec ses parents, mais elle va juste là à Noël parce qu'elle va là à Noël, puis elle t'a amené parce qu'elle voulait pas passer une soirée plate, puis toi tu te mets chum avec son père. Ça se peut qu'il y ait des tensions. Ça se peut que toi tu vas y aller souper, puis elle, elle veut pas. C'est ça. Ça se peut que tu vas là. Aller souper chez tes beaux-parents, mais finalement. Ah, tu vas y aller seule. Puis qu'elle trouve ça un petit peu malaisant. Oui, il trouve ça un petit peu malaisant. C'est vrai. Je vais parler au féminin tout le long parce que je suis un gars, mais les gars, c'est aussi valide. Moi, j'ai eu. Je vais le dire. Moi, j'ai eu un des beaux-parents. Mm-hmm. Un peu plus huppé. OK. Puis moi. Huppé? Ouais. OK. Des convictions. Ouais. Je veux dire. Princier. Ouais. Et moi, je suis un gars de. Tu sais, je peux pas, je suis un gars de bois. Je suis un gars de bois. Non, je suis un gars qui travaille dans Charlevoix, qui fait du camping, qui de la survie en forêt. Moi, ça me dérange pas. Envoie-moi avec un backsack. Tu sais, je fais de la survie, je fais des cabanes. Tu sais, je connais ma nature. Tu sais, c'est quoi la différence entre un tuyau occidental puis un cèdre? Pour donner une idée, si tu veux voir l'image des deux sur Internet, tu peux te le permettre. Donc, j'arrive chez mes beaux-parents et ça fait quand même plusieurs mois, ça fait plusieurs mois. Tu sais, je connais mes beaux-parents, je sais c'est qui. Mais on aborde un sujet qui commence à être un petit peu tabou pour moi. Et là, c'est là que je vous dis attention. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous donnez votre opinion et que vous connaissez pas l'opinion de vos beaux-parents, ferme ta gueule. Faites attention et soyez plus discret que je l'ai fait. OK. Parce qu'ils passent une émission à la télévision qui s'appelle Mon camping de rêve. Est-ce que tu connais? Oui, des campings luxueux, puis blablabla. Et je fais gang de mongols. Là, mes beaux-parents font quoi? Je dis, ils appellent ça du camping. Ils sont en VR à manger du caviar, puis à écouter la télé, puis à se coucher avec le Wi-Fi. Ouais. Ils appellent ça du camping. Puis il y a quand même un moment de silence. Et que ça l'a fait le froid de l'année. Il venait de s'acheter une Christie de grosse roulotte 2 jours avant. Oh. Il s'en allait à Wallwood en camping. Oh mon Dieu. Wi-Fi inclus. Ouais. Télévision. Puis il mangeait du foie de canard quand je suis allé voir. Écoute. Mais là, sur le moment même, moi je réalise pas ce que j'ai dit. Non, mais tu sais, du camping, c'est en tente, c'est du monde humide, c'est du monde qui font tu des. Tu donnais ton opinion. Oui, là, je continue mon discours. Puis ils parlent pas, eux autres. OK, ils font juste pas parler. Ouais, ils font OK. Mais quand je suis allé les voir, là, moi je me. Tu sais, 2 mois après, ils m'envoyaient voir en camping. T'as réalisé que. Je me sentais mal, là. Ben, hein. Tu comprends pas à quel point j'étais petit dans mes shorts, là. Non, mais ta blonde, elle t'a pas averti, genre? Mais je pense qu'elle était en douche à ce moment-là. OK. Genre, tu sais, j'étais chez eux, puis genre, on partait pour une soirée ou quelque chose, puis ils écoutaient cette émission-là, c'est dans le salon. OK. Eh, mon Dieu! Ça faisait combien de temps que tu l'as... Ah, 6 mois peut-être qu'on était ensemble. OK. Fait que tu pouvais te permettre de passer un commentaire, de donner ton opinion. Oui, je peux me permettre, mais... Je savais pas, moi, que 2 semaines avant, parce que ma blonde, tu sais, on veut pas se parler comme ça, elle me verra chez une roulotte, tu sais. Ouais, mais tu sais, tes parents sont pas tout le temps sujet de conversation avec ton chum et ta blonde. Non. C'est correct, mais tu sais, quand je. Pour vrai, tu sais, moi, c'est une situation qui m'est arrivée. Ouais. Écoute, j'en ai ri, là. J'étais tout seul chez nous, je riais, là, tu sais, quand je suis revenu, mais sur le coup. Ouais. Tu sais, on fait ça un feu, ben non, ils vont sentir la boucane. Ah, oh, OK. OK. Yes, sir. Tu sais, non, mais ça, c'est un exemple. Donc, tes beaux-parents, ils veulent que tu sois le meilleur pour leur enfant et ils ont des idéologies de leurs enfants. Oui. Faites donc attention. Tu sais, la phrase, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je sais pas. Oh là là! Réponds pas ça! S'il te plaît, donne-toi au moins une chance dans ta première. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Invente n'importe quoi, je sais pas. trouve quelque chose. Chimiste, n'importe quoi. Non, non. Dis n'importe quoi. Astronaute. Tu veux dire, j'aimerais travailler dans le monde de la santé. C'est vaste. Ouais, c'est ça. Soit vaste. Si t'as aucune fucking idée, t'as 16, 17 ans, t'es au cégep en sciences humaines, pas de maths, programme voyage. Parce que tu veux voir, il y a un programme. Tu veux voir le monde. Tu veux visiter le monde. Puis demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tu peux répondre, je veux être dans le monde du tourisme. Puis ça passe. Ouais, ouais, ouais. Mieux que je sais pas. Et ça, pour l'avoir vécu, un je sais pas. C'est pas le fun, hein? Non, mais il y a un. Il y a une réaction à ça. Il y a une réaction mentale. Parce que là, tu viens de dire à tes beaux-parents, les personnes qui veulent que leur enfant ait quelqu'un d'important, je sais pas si je vais gagner quelque chose d'important dans la vie ou je vais être commis au dépanneur jusqu'à l'âge de 35 ans. C'est ça. Tu sais, non mais... Ah, mais ça me fait rire parce que... C'est vrai. Tu dirais ça aussi à une fille à une première date et il y a probablement une réaction qui va venir aussi comme mais ça, Alex. Tu peux aussi analyser les beaux-parents en fonction de la fille. Je vais peut-être en parler un petit peu plus tard, vite. Okay. Mais souvent, tu peux voir tes beaux-parents à travers ta personne avec qui tu... puis j'explique. Ouais. Bon, donc, ouais. C'est ça. Donc, tes beaux-parents, ils ont quatre questions qu'ils vont te poser. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Mm-hmm. Pourquoi t'aimes ma fille ou mon gars? Et cette question-là... C'est la question c'est qui piège. Non, c'est une question piège. Et... S'il vous plaît. Dis pas ses fesses. Non, c'est ça. Même si c'est la vraie réponse. Ouais, c'est ça. Dis à elle, mais pas à tes beaux-parents. Non, mais même à elle. Hey, j'aime vraiment tes fesses. Mais tu sais, dans tes premières dates, c'est un peu malaisant. En fait, attends un petit peu. Mais tu sais, tu peux répondre. Ben, parce qu'elle a une joie de vivre, elle, elle est belle. Ouais, elle a de l'ambition. Elle a de l'ambition. Tu lâches ça quelque part. Mais le mot ambition, hein, on va en parler maintenant. Là. C'est un mot qui est très, très, très important. Ouais. Ambition. Gardez ce mot-là en tête si vous êtes capable de le plugger dans n'importe quelle phrase avec vos beaux-parents. Plug ça. C'est correct, tu viens de gagner un point. C'est ça. Et donc, c'est ça. Donc là, vous trouvez des... Tu sais, ben, c'est une fille qui a de l'ambition, une fille qui est belle, une fille qui est souriante, une fille qui est drôle, qui motive, qui... Tu sais, quelque chose de quétaine, tu sais, mais quand... Quétaine. Ouais. Bon. Ça, c'est fait. Là, il y a la troisième question. Qui est? Qu'est-ce que tes parents font dans la vie? Là! Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est la troisième question? Ouais, t'as raison. Écoute, moi en tant que beau-père, là, pourquoi tu veux savoir ce que mes parents font dans la vie? Parce qu'il veut savoir de qui tu retiens. C'est quoi tes valeurs familiales? Non, mais écoute, là, c'est une question qui est très... Ça, c'est une enquête. Mmh. Bien souvent, cette question-là va être demandée par le père. Ben oui, ben c'est jamais la... Ben, il y a des mères plus imposantes, mais souvent, c'est le père qui est plus... ça qui a plus de temps. Ouais. Là, écoute, c'est bien. C'est drôle, je vois tellement mon père. Là... La phrase « Qu'est-ce que tes parents font dans la vie? » T'as pas choisi ce que tes parents font dans la vie. Non, c'est ça. Moi, va vous le dire, je vais être franc. Ouais. Mon père, dans la vie, il y a des compagnies. OK. Mais il y a une compagnie qui répare des faux sceptiques. Ouais. Est-ce que vous savez c'est quoi des faux sceptiques? C'est ouais. Comme les égouts quand t'en as pas? Ouais. Penses-tu vraiment que je vais répondre « Mais mon père répare des champs d'épuration? » Tu sais, mon père, dans la vie, il fait plusieurs choses. Mais quand quelqu'un me pose cette question-là, personnellement, je réponds que mon père est investisseur. Ben oui, exactement. Parce qu'il y a plusieurs compagnies. Je vais pas... Puis, c'est quoi les compagnies? Puis là, j'étale... Ben, il y a un groupe de réaménagement. Non, il y a un groupe en lien avec le domiciliaire. Donc, il fait des plans de maison. Puis il y a une compagnie qui va faire des champs d'épuration. Puis je le dis super vite. Oui, c'est ça, des champs d'épuration. Il va faire des champs d'épuration. Puis là, je continue. Mais faut que ton bout malaisant soit entre deux bouts de crunchy. Tout à fait. C'est comme l'Oreo. C'est vrai. C'est le même concept. C'est exactement le même concept. Et ça, puis là, il fait la mise en marché de la News Québec. Donc, tu mets ton petit bout de plate, que, mettons que ton père est... Il était boire, tu sais, mon père travaille pour la ville, il était boire, ça fait 15 ans, tu sais. Fait que tu sais, ton petit bout où... Tu là, demandes deux infos. Deux infos, fait que ça passe comme un petit peu mieux. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Ah, mon père était boire. Puis qu'il y a rien après. Ça se peut que... tu sais... Qu'il y a un petit malaise. Si, c'est vrai. Mon père vient de finir ses études, il est comme un DEP entretien ménager des paysages. Et ma mère, elle est, tu sais, avocat, blablabla, tu sais. Ouais. Tu peux... Continuer avec le finir, tu sais, fini par le fort, fini oui, fort. Oui, c'est ça. Mais moi, pour ceux qui me connaissent pas, mes parents sont multitâches. Maintenant, vous le savez, mon père est investisseur, c'est toujours que j'ai répondu. Et ma mère est une grande brûlée. OK. Ma mère, c'est la grande brûlée du Québec, c'est la porte-parole des grandes brûlées du Québec. Elle brûlée avec les cicatrices le plus que la moitié de son corps de brûlée, cicatrisée, tout ça. Et elle est inhalothérapeute. Okay. Chose qui est un peu méconnue. Ouais, ouais, quand même. Qui le devient de moins en moins, mais qui gagne à être connu parce que, tu sais. Donc, lorsque je disais, puis ça me tente pas, tu sais, moi personnellement d'aborder ce sujet-là en partant. Non, c'est ça. Fait que je dis toujours ma mère, conférencière puis hypnothérapeute. Fait que hypnothérapeute, fait que c'est quoi hypnothérapie? Il posait pas sur quoi conférence. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc comment sauver? Vous allez découvrir comment vous sauver des phrases que vous voulez pas parler. C'est parfait, ça. Voilà. Et là, je viens à un petit point qui me fait rire. La quatrième question. La quatrième question. Et là. C'est quoi tes intentions, ma fille? Oh! Tu le savais, hein? Tu le savais, c'est ça la quatrième question. Hey, j'ai déjà fait rencontrer mon père avec des gars. Cette question-là. Répondez pas! Moi, j'essaie juste de demander maintenant à mon père de pas la poser. Tu vois, il y a un point à un moment donné où la fille peut le demander. Écoute, Tania, je me dis, quand t'es rendu là, c'est quand t'as. Mettons que t'as bien répondu aux trois meilleures questions, ça se peut que la quatrième vienne pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça arrive parfois. Si t'es rendu à la quatrième question, soit que t'as un petit peu de rattrapage à faire. Sauve-toi. Soit que t'as un petit peu de rattrapage à faire, soit que ton beau-père veut vraiment le savoir. Ouais. Et là, c'est comme ta chance. Il t'ouvre comme la porte, là. Ouais. Puis là, il y a la phrase qui tue. Laquelle? Vous en pensez quoi, vous? Et là, tu y retournes la question. Parce que tu viens de donner plein d'informations. Ouais. Moi, je retourne toujours la question. Mais c'est quoi vos intentions de Goffy? Vous en pensez quoi? Tu sais, là, il fait une blague. Tu viens de gagner un petit point comme de blague. Ouais. Là, lui, il est mal à l'aise. Puis il sait qu'il t'a mis, il s'est mis dans mal. Ouais, c'est ça. Puis là, il me dit, non, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Quelles sont mes intentions? Intentions que j'aurais envers votre fille, tu sais. Puis là, moi, je me permets toujours la blague parce que je suis un gars dans la vie qui est bien fait. Moi, c'est une histoire d'une nuit, là, ma mère ici, je la connais pas. Là, on s'est croisé au coin de la rue, là, elle m'a ramassé puis on est rentré. Là, là il y a toujours un petit fret. Je dis, non, c'est une blague, là, ça fait. Tu sais, je connais votre fille. Tu sais, fait que là, tu mets un petit peu le garde, je connais bien votre fille. Mais tu réponds quoi à ça? Tu réponds rien. Ok. Tu patines. Non, tu patines pas. Tu. Lui retourne la question, tu fais, tu sais. Ok. Tu sais, moi, je dis toujours, mes parents me disent toujours, mettons, fais attention quand tu conduis. Ben oui, c'est vrai, j'avais l'intention de me tuer. Oui, c'est ça, exactement. Tu y vas de façon sarcastique. Mais c'est ça, petit. Tu dis, mais tu sais, puis vous en pensez quoi? Puis là, mettons qu'il y a un silence, ben non, c'est vrai, tu sais, j'ai rencontré votre fille sur la rue il y a 10 minutes. Puis tu fais une blague. Ouais. Puis tu sais, tu t'arrêtes là, puis est-ce qu'il n'y aura plus rien à dire? Tu vas à autre chose. Tu coupes la question, tu sais. Parce que, tu sais, à un moment donné, cette question-là, même, elle est pas répondable. Tu peux pas répondre à ça. C'est quoi, vous êtes assis? J'ai vraiment le goût de faire l'amour trois fois par semaine. Non, tu sais, on s'en fout, là. Personnellement, on s'en fout. J'aimerais rester avec elle juste 2 mois. Juste 2 mois. Non. OK. Bon, on va aborder un petit point qui est jeune pensée. Oui. Puis c'est pour tous les personnes. Dans la vie, là. Si quelqu'un te pose la question, tu vas-tu finir ta vie avec cette fille-là? Oh, boy. Et que dans ta tête, pertinemment, la réponse est non. Non. Arrête ça, là. Arrête ça. Tu te vois pas finir ta vie avec cette personne-là? Ouais. Pourquoi tu continuerais à être avec si tu veux pas finir avec? Voilà. C'est ça. C'est vrai? Non, mais tu penses-tu finir ta vie avec? Non. Pourquoi tu seras avec? Ben, parce que je l'aime. Ben, tu l'aimes pas assez pour finir ta vie avec? Ben non. Ben, pourquoi tu vas pas... Ah ben, il n'y a rien de mieux à date. Oh, OK. Ben, c'est chiant. C'est ça. Voilà. Donc, finissez, tu sais, soyez cohérents dans vos paroles et vos gestes. Mais c'est peut-être parce que certaines personnes ne le savent pas encore. Mais attends, ils peuvent ne pas le savoir, tu sais. Je le sais pas. Ouais, c'est ça. Mais ou bien tu dis, ben, pour l'instant, oui, parce que tu sais que tant qu'il n'y a pas de problème, normalement, ça continue. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Présentement, c'est la seule personne que je veux voir. C'est ça. Voilà. C'est ça, on a mis ça au clair. Maintenant. On va y aller dans le sujet de réaction face à une action. Eh boy! Toujours avec les beaux-parents. Toujours avec les beaux-parents. OK. Moi, dans la vie, moi, je suis à l'aise. Ma famille, j'ai une grande famille, une grosse famille, je suis à l'aise. Et j'ai toujours fait la chose qu'il ne faut pas faire. Mes blondes sont toujours arrivées comme dans des gros moments. OK. Mes parents les connaissaient. Ouais. Mais là, pour ça, faut que tu gagnes le cœur de la grand-maman. Ah, OK, toi, c'est la grand-mère d'abord. Ouais. Non, mais parce que tu veux pas dans Noël, tu sais, veux pas, c'est la grand-mère, c'est comme le grand-père, c'est la tête de la famille. Fait que là, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, là. On va pas voir l'arrière-grand-parent parce que ça commence à être un petit peu loin, là, mais tu sais, les grands-parents, c'est quand même important dans la famille. Tu sais, je sais pas si tes grands-parents sont vivants. Il me reste un grand-père, puis il me reste une grand-mère. Est-ce qu'il donne des avis sur ton copain quand tu les rencontres? Pas, non, c'est ça. Non? Okay. Non, mais mes tantes, par exemple. Ah là là, les tantes. Tu vois, moi, la hiérarchie passe par les tantes avant la grand-mère. Donc, inviter son chum, même si ça fait 2 semaines que vous êtes avec, à un party de Noël. Mauvaise idée. Ça, c'est non. C'est mauvaise. C'est vraiment une mauvaise idée. Inviter un... Puis moi, je l'ai fait. Oui. Je suis à dire que je suis encore avec cette personne-là aujourd'hui. OK. Dans un mariage, alors que même tes parents la connaissent pas. Mes parents, attends, mes parents l'avaient vue comme... Ben, t'es accompagnatrice. C'est bon, ouais, elle m'accompagne au mariage. Mais à ce moment-là, on était un couple, mais t'sais... Personne ne le savait. Ouais, le monde le savait, mais tu sais, okay. C'est un peu tabou. Pose pas trop de questions. Ça, c'est non. OK. Moi, je, parce que... Mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais... Non, c'est vrai. Non, ben, j'avais pas d'autre choix. Non, je l'ai fait parce que je trouvais ça important pour moi, parce que j'ai une grande famille, ma famille était importante, puis je pense que c'est le moment... Tu sais, sinon, ça rentrait, elle aurait vu le monde juste à Noël. Ouais. Donc, tu sais, ça faisait vraiment pas longtemps qu'on était ensemble, ça faisait même pas un mois, elle arrivait dans un mariage familial. Mon Dieu, okay, oh, quand oui, même. C'était short, là. Bing bang, comme ça. Ouais, elle a vu mes parents comme 20 minutes dans un corps de porte, là. Hi! Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien? Oui, excellent. Au moins, elle est encore avec toi aujourd'hui. Oui, mais. tu sais, j'ai pas. Il y en a qui vont faire, hey, bonjour, présente ma blonde, non, mais oui. Moi, j'ai juste. C'est Marie. Puis, ouais, c'est ça. Elle existe, elle est là. Puis, si t'as une question à me poser, tu viendras me la poser plus tard. Non, c'est ça. Puis, tu sais, elle a rencontré ma famille, et ça. Puis, c'était correct parce que je connais ma famille, puis je sais qu'ils vont pas aller attaquer, surtout que c'est le mariage. Tu sais, c'est un mariage l'un de mes oncles. Tu sais, il y avait d'autres choix à fouetter cette soirée-là. Mais, ne faites pas ça. Si vous savez que votre père va poser 150 questions, là. Dans un, ouais, c'est ça. Allez pas là. T'es dans un mariage, là. C'est ça. Autre point. Tes beaux-parents ont des tics ou des tocs ou des attitudes. On parle toujours de mes beaux-parents qui étaient huppés par le passé. Et ils reçoivent à Noël. Mm-hmm. Ça fait peut-être, mettons, 2 mois et demi que je suis avec cette fille-là. Mm-hmm. Mais on se connaît depuis 8 ans. OK, mon Dieu, quand même. Ses parents et moi, parce que, ben, on se connaît depuis 8 ans. On se voit, on sait, je connais sa mère, je sais qui de face, mais tu sais, je sens y parler. Elle aussi, elle sait qui je suis, puis quelle connerie j'ai faite, parce que... on faisait du bénévolat et du travail pour Tennis Canada ensemble. OK. C'est là qu'on s'est connu. Et je connais, comme je t'ai dit tantôt, c'est une famille huppée. Ça fait peut-être 6 mois que je suis avec ma blonde, à ce moment où on a eu le camping. Mais ça fait peut-être 2 mois et on est à Noël. Mm-hmm. On est bien avant Noël parce qu'eux, ils ont des petites familles. Donc, ils reçoivent leurs amis à souper la fin de semaine avant Noël, comme mettons le 13 décembre. Et ils reçoivent à souper. Donc, qu'est-ce que tu reçois quand tu reçois à souper? La famille? Oui, mais tu reçois des cadeaux d'autres, tu sais. Oui, oui, oui, ben et oui. Et qu'est-ce que tu donnes dans tes fêtes en cadeau d'autres? De l'alcool. Mmh. Du vin. Ouais, ouais. Et la soirée se passe bien, ils reçoivent des bouteilles, tu sais, puis je me fais présenter au couple d'amis parce que, tu sais, j'ai plus officiellement et tout va bien. Jusque-là, tu sais, on va bien. Ouais. On se couche le soir et c'est la première nuit que, officiellement, je dormais. OK. Chez elle, officiellement, que ses parents étaient là. OK. Ma belle-mère a laissé la porte de la sécheuse ouverte. OK. Sachant qu'elle était en face de la chambre de ma copine. OK. Déjà, ça commence à être un petit peu malaisant. Ouais. Et ma blonde, elle ne dort jamais la porte fermée à ce moment-là. OK. Fait, là, mon ex ne dormait jamais la porte fermée. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, elle avait un chat qui allait gratter à 2h du matin. Ah, mon Dieu. Tu sais, plein de raisons. Gossin, des raisons. Des raisons valables. Ouais. À 2h40 du matin... Il y a 2 yeux qui sont dans le trou de la porte. Et là, j'ai comme... Tu sais, quand tu te réveilles, puis tu sais pas t'es pourquoi... T'es comme pas sûr. Tu sais pas pourquoi tu te réveilles. Là, tu sais, dans le milieu, je me réveille. Et elle voit que je me lève la tête, à part à faire la porte de la sécheuse, puis elle va se coucher. Elle s'était comme donné une raison. Comme, la porte de la sécheuse est ouverte. Ça m'arrange, j'allais la fermer. Et là, elle est venue comme moirer dans le cadre de porte. Voir si vous étiez en... Tu réagis comment, ça, le lendemain matin, au déjeuner? Tu réagis pas, tu fais... Tu n'en parles pas. Tu peux en parler avec ta blonde. Mais pas avec ta belle-mère. Ça va être elle qui va gérer la situation avec ses parents. C'est vrai. Mais là, c'est pas tout. Tu sais, la situation, on peut arrêter là. Oui, mais pas arrêter là. Non. Il y a comme eu 2 extras. OK. Qui ont vraiment fait que j'ai jugé... Tu sais, que j'ai fallu que je réagisse. OK, OK, à ce point-là. Ouais. Elle dit, tu sais la phrase, vous êtes protégé. Oh non. Alors que c'est rien là. Mais dans le top 5 passé. Dans le top 5 des moments que c'est rien passé là. C'est un des top bons. 1 là. C'est genre le moment où t'avais pris un verre de trop pis t'es comme juste tombé comme une brique. Exact. Et là il y a un fret, tu sais, t'es en train... Pardon? En train de déjeuner. Et à ce moment-là, j'ai vécu un moment strange. Parce qu'elle pose la question, mais en même temps, elle a les 13 ou 14 coupes bouteilles de vin. Oui. Avec son cellulaire et l'application de la SAC. Et elle scanne les codes barres. OK. Afin de voir le prix des bouteilles. OK. Qu'elle a reçues. OK. OK. Puis là, elle dit cette phrase-là. Et là, ben... Je comprends de quoi vous parlez. Ouais. Parce que tu veux pas aller, vraiment pas aller parce là. Parce que tu dis pas, genre, ben, on a rien fait. Tu dis pas, on a rien fait, puis tu dis pas, on s'est pas protégé. Tu dis pas, c'est fait que là. Et là, je dis, qu'est-ce que vous faites pour revirer la question? Elle dit, ben, je scanne les bouteilles de vin. Pourquoi? Voilà! Pour savoir qui je réinvite à souper en premier. Non! Écoutez, là! Là, j'avais le climax de la situation où je devais réagir. Là, t'avais pas le choix? Et là, j'ai mal réagi, je suis au courant. OK. Et c'en est devenu un running gag. OK, au moins. OK? Ouais. Je capote. Écoute, je comprends pas comment tu peux... Écoute, si jamais vous voyez vos parents scanner des bouteilles de vin en se disant pourquoi, tu sais... Ouais. Ben des fois, c'est parce que tu veux la description plus que sur l'étiquette. T'sais. Ouais, tu vas sur Internet, tu vas pas sur l'application de la SAC qui donne les prix. Non, c'est ça. J'ai juste regardé, j'ai dit... Vous savez à quel point c'est malaisant en ce moment? Puis là, elle m'a regardé, elle dit pourquoi? Je dis, ben, vous êtes venu regarder dans le cadre de porte cette nuit. Là, vous me parlez, vous vous demandez si on s'est protégé alors que vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Puis en plus, vous, dans les bouteilles de vin qu'il y a là, il y a une que j'ai remis. Mm-hmm. Je veux savoir si je vais venir souper le 2 février ou le 14 juin. Mm-hmm. Elle me dit, non, c'est pas ça. Je dis, OK, c'est ça que j'avais compris. C'est ça que je pensais. C'est exactement ce que je pensais. La relation s'est terminée ce matin-là. Non, tout est... J'ai juste eu un gros down de mon estime de cette personne-là à ce moment-là. Tu sais, comme... Comment tu veux apprécier une personne après ça? Non, mais j'aimais cette personne-là, mais hors sujet de c'est couple. C'est ça. Exactement. Ça peut plus être ta belle-mère. Ça peut plus être ma belle-mère, tu sais. Puis elle... Tu sais, en tout cas, voilà. Et on reste dans les beaux-parents huppés. Oui. Situation d'un de mes amis. Ouais. Que je nommerai pas. Ah. C'est hyper malaisant. Puis j'aimerais préciser qu'il est toujours avec cette fille-là. Oh, OK. C'est important dans l'histoire. Situation, choisissez vos chevals de bataille. Oui. Ben oui, okay? Clairement, il faut. Il y a des sujets que vous pouvez parler avec vos beaux-parents et des sujets que vous ne pouvez pas parler avec vos beaux-parents. Mon ami s'en va pour Noël, lui aussi, et apporte cette fameuse bouteille de vin. Parce que c'est un étudiant et il choisit une bouteille de vin conseillée par la SAC. La SAC, ouais. Il vient d'une famille assez moyenne. Mm-hmm. Il sort avec une fille qui est un petit peu mieux entier, classe élevée. Tu sais, mm-hmm. Son père de mort est comme ingénieur. Okay. Sa mère est comme docteur, quelque chose comme ça. D'accord. Et achète une bouteille de vin à la SAC. Et il s'en va... chez sa blonde pour Noël, puis elle est déjà séparée, lui il s'en vient. Il cogne, ses beaux-parents répondent, bonjour Vincent, on dirait un nom comme ça. Ça va bien, ben oui, bisous, il donne la bouteille de vin. Et là, la phrase du beau-père, ah, oh, merci, un beau vin de cuisson. Ah! Oh non! OK, les beaux-parents, là, ils savent... C'est vraiment dur à gager. Moi, je suis une chronique conne de quoi ne pas dire quand t'es beau-parent. Mais... Il faudrait faire une chronique quoi ne pas dire quand t'es beau-parent. Ça, c'en est une en France. Et mon ami a fermé la porte. Et il est reparti. Oh. Non, en fait, il a ramassé la bouteille de vin. OK. Il a fermé la porte. Et il est reparti. Et là, tu sais, il est allé s'asseoir dans son char. Ouais. Il a respiré. Il a fait comme, si je la tue pas, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois? Oui, tout à fait. Tu fais quoi, toi? Tu réagis comment face à ça? Ça dépend à quel point j'aime la personne avec qui je suis. Tu sais, il faut savoir qu'il est encore avec aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait qu'automatiquement, il l'appréciait quand même vraiment beaucoup. Soit j'aurais juste pas réagi, j'aurais fait « haha », ou soit j'aurais probablement dit « ben oui, c'est ça ». Lui, il est allé dans son char. Ouais. Il s'est laissé. Il l'a bu. Il l'aurait bu s'il aurait pu. Il a écrit à sa blonde. Ouais. Ça va. Elle a répondu, toi. Ouais, c'est ça, parce qu'elle était là. Ouais, elle a comme ça. Il répond, je suis un peu offusqué. Elle répond, mes parents comprennent pas. Il est remonté en haut. OK. il a, genre, parce que là, lui, tu sais, son plan était fait. Là, ouais, ouais. Il savait. Il pétait. Tu sais, genre. Il pétait sa tête. Non, il aurait pu. Il aurait pu. Tu sais, moi. Il arrive, il rentre dans la maison. Ouais. Il est allé s'asseoir dans la chambre et il n'en est jamais ressorti de la soirée. Non. Et c'est ce que j'aurais fait. Comment tu vas être à l'aise devant ces personnes-là qui viennent de te dire ça? Moi, genre, je voulais. Tu sais, il voulait être avec sa blonde. Ouais. Mais vous. Comme ça, il tentait pas de revenir chez eux et d'avoir expliqué ça à ses parents. Mm-hmm. Tu veux pas, là? Non, en effet. C'est Noël, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et genre, tu sais que le lendemain, tu prends ta. Mettons, il s'en allait avec sa blonde à telle place, fait qu'il fallait qu'il revienne de toute façon. Mais il est pas sorti de la chambre du tout? Ouais, il était allé aux toilettes, tu sais, il avait. Mais. Tu sais, genre, sa blonde, elle faisait des assiettes. Il a fait comme une assiette, ça a débouché, genre, ouais. Puis il a amené tout. Mais tu sais, comme il était pas à l'aise de sortir, genre. Mais sa blonde, est-ce qu'elle l'a expliqué à ses parents? Je sais pas. Je veux pas le savoir. Parce qu'il y a un rôle aussi, hein, celui d'être la blonde. D'être la blonde, mais. Tu sais, c'est pas la job de toi d'aller expliquer à tes parents ce qui se passe. Non. Mais il y a quand même une différence entre être parent puis être étudiant. Puis on dirait qu'à un certain point, les adultes, ils oublient ça. Puis ils pensent que tout le monde est au même niveau. Oui, mais je vais faire une dernière intervention. Et là, c'est le climax du cocombe. OK. OK. Dans les choses à ne pas faire devant ses beaux-parents. Ouais. Parler de ses anciens beaux-parents. OK? Oui. Alors, mon ancien beau-père, il était tellement hot. Non! Ne fais pas ça! C'est complètement imbécile. Oui, ben oui, mon Dieu. Comparer des beaux-parents. Tu peux pas faire ça. Dans le top 5 des choses à ne pas faire dans une autre famille que la sienne. C'est comparer le monde. Comparer le monde avec les anciennes familles. Puis je tiens à préciser que t'es plus avec leur fille à ces parents-là. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle donne une raison. Fait que tu prouves aussi t'es. Tu sais, mettons, ah oui, tu sais, ça amène aussi une porte à une belle question. Pourquoi t'es plus avec? Et combien de temps t'as été avec? Ben oui. Deux belles questions qui se répondent très mal souvent. T'ouvres cette porte-là. T'as assez dur de pas y rentrer. Hein? Tu sais, ils vont mettre le pied dans la porte. C'est sûr. Ah oui, mes anciens beaux-parents, oui, c'était des bonnes personnes, ils étaient fins, ils étaient gentils. Pis nous? Mmh. Oh, là, tu sais... Comme... Ça se passe bien, ça. C'est, ouais, c'est bon, c'est chill, c'est la première fois que tu rencontres, c'est pas quoi dire. Mais si... Mettons, c'est négatif. Ouais. Tu sais, c'est un commentaire drôle. Tu sais, mettons, mm-hmm. Ouais, tu sais, mes anciens beaux-parents, ils faisaient du camping, tu sais, j'ai un exemple. Ouais, ouais, ouais. Avec la tente roulotte, puis tu sais, non, t'sais, c'est pas du camping de tente roulotte, là. Non, non. Un Winnebago, le Wi-Fi, puis mm-hmm. Là, ils font, eux autres, disent, ah, ça, du vrai camping. Là, tu trouves ça drôle, tu fais la blague, mais tu comprends pas plus l'histoire. Non, c'est ça. T'sais, tu sais, t'en restes là. T'en restes là. Mais là, tu sais, quand parler de ses ex beaux-parents. Ben, voyons. Mais c'est comme parler de son ex à sa nouvelle blonde. Non. Ça, c'est pas. C'est... Non. Non. Non, parce que parler de son ex à sa nouvelle blonde. C'est aussi savoir, tu sais, mettons, moi, quand ma blonde, elle me dit, ouais, tu sais, avec mon ex, tu sais, à la fin, il était tannant, mettons. Mm-hmm. C'est pas le cas avec ma blonde en ce moment, mais ouais, ouais. Une fille qui me dit ça, j'avais plus le goût de faire l'amour avec parce mm-hmm. qu'il était tannant, il voulait tout le temps, puis genre. Ouais, ouais. Ben, tu sais. Ouais, c'est ça. T'sais, sois pas tannant. Oui, il y a des choses qui se disent. Mais... c'est ça, mais comme parler de son ex pour avoir des gauges avec oui, sa blonde, exactement. C'est super pertinent. Avec ses beaux-parents, tu peux pas mettre de gauge. T'acceptes, c'est tout. Ils ont 60 ans en moyenne, 50-60 ans. Ils se changeront pas. Non, surtout pas pour toi. 40-50 ans. Pour toi, surtout s'ils ont donc 4 enfants, puis t'es... Ouais. Non, ils s'en... Pour vrai. Vraiment, ouais, ouais. Ils s'en ouais. foutent. C'est sûr. Quand on dit, ils s'en bat les couilles de ouais. toi. T'es le gars avec sa fille qui va peut-être un jour la marier. Mm-hmm. Et ça là, finit là. Ça finit là. Et là, j'ai un autre commentaire sur les relations de couple. Je sais oui. pas s'il y en a qui écoutent L'amour est dans le pré. Ah oui! J'ai écouté ça pour la première fois cette année. J'avais jamais vraiment écouté ça. J'aimerais juste spécifier à tous les enfants qui ont 20 ans. 20 et 24 ans. Là. Tous les enfants, oui, tous les enfants. Non, c'est parce que moi, je pense que c'est des... J'adore ouais. Les relations de couple. J'adore... je suis persuadée que je sais où tu t'en vas, là, mais vas-y, continue. En bas de 3 semaines de relation de couple. Oui. Mets-toi à la place des beaux-parents. Là. Ouais, ouais, ouais. Tu demandes en mariage une fille qui vit à moyen. Ottawa, mettons. Mettons, Ottawa, là. Mettons. Qui est peut-être à 6 heures de route de ce que tu habites. Ouais. Mettons, là, tu habites. Mettons que tu habites à Warwick. Hein. Mettons, là. Mettons. Mettons que tu habites à Warwick, là. Puis, tu l'as connu pendant 3 semaines. Donc, mettons 4 mois. Ouais. Mais 3 semaines physiques. Donc, une journée. Une journée où tes beaux-parents étaient pas sûrs que t'allais choisir elle pour aller en voyage. C'était même pas un couple. Ouais. C'était pour choisir pour aller en voyage. Puis, le reste du 4 mois, c'est des textos. Ouais. Puis peut-être du Skype. Mais je pense qu'ils ont pas le droit. Ou ils ont peu le droit. Ben, je sais qu'il y en a qui ont déménagé ensemble pendant cette période-là. Non, mais la période entre ils les affaires, c'est ça? Ouais. Puis la visite chez beaux-parents, là. Ouais. Je sais pas si on doit se communiquer ou peu. Je pense qu'un peu. Un peu? Par texto, là. Genre, mettons ils se textent. Ouais. Ça fait 4 mois que t'es avec. Tu l'as vu 3 semaines, dont une journée chez ses beaux-parents. Tu y as texté entre les périodes de, mettons, des 2-4 semaines. Ouais. T'as 23 ans. 23 ans? Ah, non, non, à 20 ans. Mettons qu'on met une mise en contexte comme ça. Mettons, là. Puis que t'en demandes en mariage après 3 semaines. Ah, il y a une grenouille. Oui, t'as-tu vu? C'était parfait pour le moment. C'est comme un moment de ferme avec un wawaron. Je comprends que tu peux être en amour, là. Oui, oui, je comprends que t'es rendu là dans ta vie. À 20 ans. Non, mais pour le gars, tu sais, il y a une ferme, ça. Oui, ben oui. Mais, alors, je peux pas sacrer, mais si boire. faut vraiment le vouloir, là. Ouais, t'as pas joué. Mais hein? En tant que beau-parent, tu réagis comment? C'est sûr que t'es... T'as-tu vu la réaction? Mais du père, j'ai écouté cette reprise. Moi, j'écoute pas l'émission quotidiennement, mais quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait « Il faut qu'il soit calme ». Mais même la mère a comme pas de réaction quand elle l'appelle. Non, mais comme contente, elle dit félicitations. Ouais, hein. Mais il y a comme un moment où elle est pas sûre. Et comme, c'est une blague? Y es-tu autour? Mais tu sais, comme... Puis elle dit « Ouais, mais il voulait demander. » Elle dit « Ben, je pensais que c'était une joke. » Écoute! C'est sûr que ça réagit mal. Ouais, t'sais, ouais, ouais. Ça va faire quasiment un an que je suis avec ma copine. Je la demande en fiançailles. Ouais. Pas sûr que ça passe encore. Ouais, non, c'est ça. On vit à 130 km de distance puisque je suis étudiant ici à Trois-Rivières. Exact. On se voit 3 jours semaine. Mm-hmm. Pas que... Pas que c'est pas bon. Mais... Calique, 3 semaines. Je peux pas imaginer. Non, je mais... sais. Imagine-toi en tant que parent, hein. Non, je l'accepte pas. En tant que parent, genre, je fais rompre ce vœu. Oh, à la soirée de match, je me pose. C'est clair. Oublie ça. Non, c'est mais sûr. Écoute, je peux... C'est sûr, je fais ça. Je peux pas croire que... Je refuse. Je peux pas croire que c'est arrivé. Mais là, moi, je pense que le climax de l'histoire, c'est que ce couple-là est invité en mode salvaille. Mais ça a l'air que toute l'équipe de production a resté surpris aussi, là. Comme quand il a fait sa demande... Toute l'équipe était pas au courant. Donc, on parlait de beaux-parents. Fermez les yeux pendant 15 secondes. Ouais. Vous avez une fille de 20 ans qui s'en va à 600 km avec un gars qu'elle presque connaît. Mm-hmm. On dit presque connaît. Ils ont quand même passé une semaine 24 heures sur 24. Ouais, quand même. Il a dû se passer quelque chose à l'hôtel, on va se le dire dans le sud. Probablement. Là. Probablement. Il l'a embrassé devant une église. Ouais. Tu sais, comme il s'est passé comme quelque chose. Mais tout est beau comme parce que l'émission est pas encore à TV. Mm-hmm. Puis on n'a pas le droit d'en parler. Tu réagis comment? Moi, là, en tant que jeune, si je fais ça, je vais en avoir parlé un peu. Oui. Sérieusement, avec mes beaux-parents. Puis avec la fille. Ben, clairement. Parce que, oui, peut-être qu'elle, elle a 20 ans, elle est amour fou avec lui. Mm-hmm. Mais si tu n'en as pas glissé un mot, là. Point, point, point. Xavier enlève ses lunettes. Puis que tu reçois un nom, là. Devant comme 5000 spectateurs, puis qui répond pas maintenant. Ouais. Qui est une réponse que j'ai déjà reçue. Tu sais, je pose la question, tu sais, ouais, ouais, tu prêtes, blablabla, puis elle répond pas maintenant. OK, c'est fine, sérieux. C'est pas, elle veut pas, c'est OK, finissons nos études, puis ayons quelque chose de plus sérieux. Mais là, en tant que vos parents, tu dis ma fille, elle vient de marier un gars qui vient à 600 km d'ici, qu'elle a vu 3 semaines sur 4 mois. Mm-hmm. Elle a 20 ans, elle a pas fini ses études, qu'elle lâche les études pour lui. Ouais, c'est ouais, ça? Ouais, elle lâche les études pour lui. Elle lâche les études pour lui. Ouais. Si boire! Où c'est qu'on s'en va? Non, mais. Non, mais attends, là. Mais moi, j'ai pas regardé l'entrevue avec Éric Salvaille. Moi non plus, je voulais pas. Je me sentais un peu malaisée de regarder ça, honnêtement, parce que je sais pas s'ils sont encore ensemble aujourd'hui. Écoute, on va finir cette chronique-là sur les beaux-parents en disant... Soyez gentil avec vos parents, soyez surtout vous-même. Oui, exact. Répondez la vérité, c'est sûr qu'on peut la rendre plus belle, comme j'en ai parlé, des phrases qui se disent bien, les bons mots. Et il s'agit toujours que c'est les parents de votre copain ou votre copine. Ils vont toujours être là. Ouais, t'as comme pas le choix de... Ils vont prendre une place importante dans la vie... de votre vie à vous et la vie de probablement de vos enfants si vous en avez avec cette personne-là. Et ouvrez, tu sais, soyez ouverts à leur position. Vous êtes capable d'avoir des discussions correctes sans les attaquer personnellement. Tu sais, je peux penser par exemple à si vous parlez de la grève étudiante. Tu sais, vous avez parlé de la grève étudiante, ça se peut qu'eux qui soient contre, puis qu'ils disent que les étudiants ils font ça pour rien, puis qu'ils perdent leurs études, puis que l'important c'est d'aller plus vite à leur fin, puis que tu sais, c'est normal parce qu'ils ont une vision de leur monde à eux. Mais soyez ouverts, soyez réceptifs, et surtout, vous avez le droit d'argumenter avec ces personnes-là parce qu'ils font partie de vos vies, ils vont toujours faire partie de vos vies. Puis vous avez le droit de mettre votre pied sur table, mais essayez de pas faire ça dans la première journée. Ouais, mettons. Tu sais, essayez d'établir une relation, puis. Tu sais, il y a des gestes clairs de beaux-parents qui déterminent si vous êtes accepté ou non dans une famille. Ouais. Genre... Soyez capable d'aller voir. Soyez capable d'aller voir, genre, ils t'invitent à souper un samedi soir. C'est ça. Ils disent des phrases comme « Ah, depuis que ma fille est avec toi, elle est heureuse. » Tu sais, c'est des beaux... Mm-hmm. Tu sais, c'est des mots qui sont valorisants. « Elle vient-tu souper avec la famille? » Tu sais, des phrases comme ça qui sont... qui sont là, qui veulent absolument rien dire peut-être pour eux, mais qui signifient quelque chose, tu sais. Ah oui, on est rendu. Tu sais, c'est une routine que tu appelles ça. C'est des phrases comme ça qui veulent absolument rien dire, mais qui ont quand même une importance. Et soyez fin avec vos parents parce qu'après tout, c'est eux qui vont gâter les enfants. Tout à fait. Au revoir. Merci Xavier. Plaisir. Au retour, eh bien, ça va être Mathieu Plante au téléphone avec nous. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Un sondage requis. Pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. Toujours dans l'assemblage Reiki, l'émission du matin à Cifou 89.1 FM. On est vraiment dans le dernier bout de l'émission. Il reste approximativement 15 minutes. Et comme à l'habitude, eh bien, au téléphone avec nous, c'est Mathieu Plante. Salut, Tania. Bon matin. Est-ce que Xavier est toujours là? Oui. Oui, Xavier est toujours là. J'espérais, parce que j'ai bien aimé tes petites histoires, Xavier. Mais t'as-tu ri un peu? Hein? T'as-tu versé une petite larme de rire ou... Ah ben tellement, j'ai versé une petite larme de rire aussi quand j'ai remarqué que finalement t'as pas 12 ans, t'as pas 21 ans? Ouais. Selon Facebook, fait que je pense que c'est ma dyslexie des chiffres qui m'a fait penser que t'avais 12 ans. Je vais avoir, en fait j'ai 20, je vais avoir 21 été, c'est parce que quand moi j'ai créé Facebook alors que j'avais pas le droit. Ah! Tu sais, je suis dans cette... T'es dans cette génération-là qui ont dû mentir sur leur âge? Ben, d'un an, là. Parce que ça prenait... Je pense que c'est 13 ans, Facebook. Ouais. Okay. Puis moi, vu que j'étais un bébé de mon année scolaire, vu que je suis né en juillet, là. Donc, ouais. Ben, j'ai tous mes amis à Facebook, mais... Parce qu'ils avaient eu leurs 13 ans. OK. Alors que moi, j'allais l'avoir à la fin de l'année. Mais là, tous nos groupes d'amis étaient sur Facebook. Ah-ha. Fait que genre, tu sais, veux pas, quand tu lui donnais un rendez-vous, MSN n'était plus in. Non, c'est ça, puis il était presque sur le point de ne plus exister. Mais tu sais, il y avait encore les petits bonhommes qui tournaient, là. Ah, c'est ça. Puis c'est ça, voilà. Donc non, c'est ça, donc... Tu penses que t'as quasiment pas vécu sans Facebook, ta vie? Quand même 12 ans, là. Oh my God, t'imagines? Ouais, 12 ans, t'as rien fait de tes 12 ans. Attends, si je peux faire une parenthèse vite, là. Ouais. En fin de semaine, on était à la job, et on parlait de substances illégales, de situations drôles qui sont arrivées à une personne, pas nous, mais comme genre conne. On parlait d'effets de sexualité et tout ça. Ouais. Et il y a juste une des employées qui est comme une nouvelle à job qu'on connaît plus ou moins qui dit « Ouais, j'ai 13 ans. Ah! » Et là, on fait comme « Attends, là. Pardon? T'es né en 2003. » Oh mon Dieu! Là, j'ai fait comme... T'es sur le marché du travail. À 13 ans? Mais c'est parce que c'est comme garçon averti un peu de sa tâche. Là, fait que, c'est pas une tâche publique. Là, c'est, en tout cas. Je comprends. Et pour vrai, c'était elle n'a jamais vécu sans Facebook. Mais non. C'est sûr que non. Voilà. En tout cas, je sais même pas comment réagir à ça. Autre que aujourd'hui, Tania oui? et Xavier, oui? la collègue de Gadget, on est mercredi. Fait que ça ne devrait pas là. Oh, c'est parti! Existe, mais ça devrait pas, on l'a. De quoi on parle, Mathieu? Ouais. Alors, on parle de gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette tout de suite après. Et on va commencer tantôt, vous avez parlé de beaux-parents. Moi, beaux-parents, je sais pas, on dirait qu'il y a des parents de leur âge, ça me fait penser à du fricot. Oui, c'est vrai. On n'a pas le même âge, hein? C'est un lien, là, c'est que j'essaie de faire. Mais on peut maintenant faire imprimer du tricot. C'est une imprimante 3D pour le tricot. Mettons que tu te frettes, là, c'est de faire imprimer du veste. Ah, oh, ouais? Oui, ça s'appelle Knitterate, K-N-I-T-E-R-A-T-E, donc une machine à tricoter numérique. Donc, on peut prendre des designs et puis ça va automatiquement les tricoter. Ça va faire des choses qu'on peut porter hein, juste en appuyant sur un bouton. Okay. C'est vraiment super simple. Donc, selon la page Kickstarter, Knitterate espère donc pouvoir créer un appareil comme un appareil intelligent, si on veut, qui va être moins cher que de grosses machines à tricot comme on a d'habitude. Présentement, un Knitterate coûte 4 700 $ sur Kickstarter. Il y a seulement 125 unités qui sont offertes pour le socio-financement. Et après ça, si vous manquez votre chance, ça va aller à 7 500 $. C'est fait pour le peuple, mais je trouve ça cher pour le peuple, moi. Ouais, quand même, hein, c'est dispendieux. C'est peut-être pour mes ex-beaux-parents. Ouais. Le premier Knitterate va être envoyé en avril 2018. Ensuite, c'est une petite porte, tu sais, les portes pour les animaux de compagnie hein, qui passent pour entrer et sortir. Une oui, porte oui, à oui. flap, flippant. Que faut que tu coupes ta porte à assis, genre, pour la mettre dedans? C'est exactement ça. Okay. Mais maintenant, tu vas pouvoir la couper pour une meilleure raison, hein, pour une porte pour animaux de compagnie, mais intelligente. Ça s'appelle le Sureflap. Le Sureflap? Sureflap. C'est une compagnie britannique qui se prépare donc à lancer une porte pour animaux de compagnie contrôlée par votre téléphone, selon TechCrunch. Et puis la compagnie présentement a quelques portes, mais ils vont, ça va seulement s'ouvrir par les animaux qui ont un petit puce RFID, là, tu sais, le petit grinderie truc dans leur collier ou dans leur peau. Donc c'est pour empêcher évidemment d'autres animaux d'entrer dans votre maison. Les écureuils, tout à fait. Donc, la nouvelle Microchip Pet Door Connect va fonctionner par application, permettant de débarrer et rebarrer la porte en appuyant sur un bouton. Il y a aussi des couvre-feux possibles, donc si tu veux pas que ton animal sorte après 22 heures ou peu importe. Tu peux programmer. Ben oui, ça va te dire quand ton animal revient avec une petite notification, si mettons tu es au travail, peu importe, pour savoir. Et puis, tu peux partager même l'accès à la gardienne ou le gardien de ton animal de compagnie. Wow! C'est cool, hein? 160 livres. Pour le microchip Pet Door Connect qui va être vendu cet été, ça va être envoyé avec un smart hub, une espèce de point de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, pas un distributeur, mais un genre de point de concentration de tous vos appareils pour avoir plusieurs portes, si on veut, dans la même maison. C'était super riche. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, continuons avec quelque chose d'autre, là, on reste dans le domaine de ce qui est intelligent qui devrait peut-être pas l'être nécessairement. On parle de bas intelligent. OK. Les Smarter Socks, les chaussettes qui communiquent avec votre téléphone. Mm-hmm. L'idée derrière ça, c'est de vous éviter d'avoir à vous arracher les cheveux en cherchant deux chaussettes qui vont ensemble. Ah. Donc, une puce RFID dans chaque chaussette, un petit appareil, donc parce que les iPhones ne peuvent pas lire les puces directement, donc c'est une autre sorte de petit appareil, et puis une application dédiée. Donc, dans ces puces, il y a l'information gauche-droite, parce que c'est très important de mettre ton pied gauche à gauche, genre des bas. Ben oui, tu sais. Toujours. La date à laquelle vous avez porté vos bas pour la dernière fois. C'est donc maintenant. Mais non, mais attends, c'est parce que dans laveuse, il va, comme ça va être mouillé, là, ça va tout fucker les données. Ah, c'est sûrement protégé dans une petite capsule, quelque chose qui empêche justement les problèmes avec ça. C'est tout pensé, j'en suis certain. Et il y a aussi la date de production de vos bas pour savoir, crématier, moi je porte des bas qui sont frais, tu sais. Ah, c'est vrai. Du frais de l'usine. Donc, c'est, apparemment, ça existe quand même depuis longtemps, l'idée des bas connectés, mais ça a un prix encore en 2017. 160 € pour 10 paires. C'est fait avec 81% de coton. 160 pour 10, ça fait 16$ de la paire. C'est pas si incroyable que Comment c'est? Qu'est-ce que ça dit? 16$ de la paire, c'est pas si pire. Ben, non, 160, ouais, c'est ça, mais ça, c'est 16 euros. Ok, fait que c'est 32$. En dollars. Hey, crampe, t'es tombé bon. Pour des bas. Hey, ça fait 22 piastres, espèce de menteur. 22? C'est 22 piastres. Ben 22, 10 piastres de plus ou de moins. Ben, tu sais, on l'a dit, la dyslexie des mathématiques, des chiffres, c'est bien correct. C'est pas facile. Ensuite, on a parlé de Lego la semaine passée. Je me rappelle d'avoir parlé du banc collant là, avec qu'on pouvait mettre des Lego dessus. Cette semaine, les femmes de la NASA, c'est officiel que ça va devenir un ensemble de Lego. On en a parlé, je crois que c'était l'année passée, qu'on essayait de ramasser des votes pour pouvoir faire cet ensemble-là de Lego. Donc, c'est dans la série Lego Ideas. Mm-hmm. Et puis finalement, Lego a approuvé l'idée et The Women of NASA Lego Set va officiellement être en production. Oh! Très cool. Hein? Okay. Parlant de logo, à place de les mettre sur les murs, comme on l'a dit la semaine passée, cette fois-ci, on va les mettre. Et là, ça combine un autre de mes gadgets préférés de la semaine passée. Vous vous rappelez de la casquette? Oui, la casquette solaire. Oui, la casquette si solaire. Si belle, bon. Si belle. Là, on mélange les deux, c'est pour une casquette avec une planche de Lego dessus. Donc, tu peux te mettre des affaires de Lego sur ta palette et sur le devant de ta casquette. Donc, tu peux écrire ton nom en Lego et mettre des petits bonhommes qui, dans la photo ici, on a un band de gens qui jouent de la musique, tout ça, des cymbales, tout ça. Donc, tu pourrais mettre ce que tu veux sur ta casquette et la casquette coûte 80$ américains. Oui, OK, quand même. Hein? Oui, t'as une casquette solaire avec la musique. C'est quasiment plus beau que celle de la semaine passée, par contre. Ah, ben, au moins. Ensuite, est-ce que les deux se mélangent? C'est-à-dire la casquette avec l'écran solaire, tu préfères les deux. Ouais, c'est ça, on sait pas encore. Une cymbale et un écran solaire. Ah, rendu là, je pense que tout se fait. Ensuite, ceux qui aiment la pop, la musique pop, pas vraiment le métal. Actuellement, ceux qui aiment le métal n'aiment pas vraiment la pop. Ça va pas vraiment ensemble. Mm-hmm. Mais là, il y a une collection de t-shirts de pop métal. Pop métal. Sur Internet. Ça s'appelle Popcorn Metal sur popcornmetal.com. C'est une ligne de t-shirts qui célèbre vos artistes de pop préférés, mais dans le style du métal. Hein, donc, tu pourrais avoir un t-shirt qui a l'air métal. Avec on connaît les caractères dans un logo de groupe métal. On comprend rien de ce que ça dit. Là, quasiment comme on comprend pas Xavier quand tu m'as parlé super vite. Mm-hmm. Donc, je parle jamais super vite, voyons de quoi tu parles. Jamais, jamais. C'est quoi? T'es membre de l'association des pénis? Je pense que c'est tennis que t'as dit tantôt. Ça. Tennis, Mathieu. Tennis. Le sport. Tu sais, le sport où les jeunes font celui-là, là. Ben, la confusion reste avec pénis devant. Hein? Non, jamais. Donc, par exemple, ici, on a un t-shirt de Céline Dion avec My Heart Will Go On, mais c'est écrit Céline Dion avec du sang qui coule de partout. C'est une tête de mort. T'as Kanye West, Rick Astley, Lady Gaga, Spice Girls, One Direction, peu importe. Et c'est tout le temps avec le look métal, comme par exemple, mettons Kesha, ben c'est comme elle a trois faces en même temps, comme fusionnées ensemble, un éclair dans le front, un logo à la genre, je sais pas si c'est Metallica, puis c'est Taïan écrit en gros caractère métal. Donc ça pourrait être beau comme parodie, c'est sûr qu'il y a mes t-shirts drôles, moi ça me fait rire. Là. Mm-hmm. Ensuite, c'est des chandelles qui sentent le vin. Et qui viennent dans des bouteilles de vin recyclé. Ouh! Attention à tes beaux-parents si tu leur donnes non, non, non, ça. Non, mais tu n'allumes dans ton char. Ouais. Puis là, la police t'arrête. Puis là, avez-vous consommé? Non, ça sent le vin. Non. Ah oui, c'est vrai, j'ai ma chandelle. Ben, c'est ça, ça sent un peu. Mais c'est la compagnie, c'est pas la compagnie en fait, c'est une boutique sur Etsy, donc c'est fait à la main. Napa Uncork, ce qui vend, c'est des chandelles, donc à senteur, odeur de vin. Mais c'est dans des bouteilles recyclées, donc coupées, je dirais, peut-être à la moitié de la hauteur. Et évidemment, le contour a été limé ou peu importe pour que ça coupe pas dans tes doigts. Donc, ça vient de différents types. Là. Merlot, Shiraz, Pinot Grigio, Chardonnay et plusieurs autres. 12$ pour cette chandelle. Hmm. Pas pire, US, bien sûr. Hmm. Et il va falloir qu'on finisse bientôt. Hein? Oui. Un truc pour fabriquer de la salade en 60 secondes. Tu sais, des fois, quand tu veux te faire de la salade, il faut que tu commences à couper, tu chopes tes tomates, tu chopes ta salade, tes oignons, peu importe, et c'est super long. Puis là, bon, t'es rince, puis tu fais bon. Il y a plein d'étapes à faire. Ici, c'est vraiment comme un genre de tamis. Comment t'appelles ça déjà pour l'espèce de. Pour enlever l'eau? Quand tu passes sur le robinet. Un tamis, mettons, on va dire un tamis. Donc, tu mets tes ingrédients dedans, et puis il y a des fentes, c'est comme un genre de demi-sphère, un genre de bol avec des lignes en dessous. Donc, tu le passes sous l'eau, ça va tout de suite, évidemment, tout rincer ça. Après ça, tu vires ça à l'envers, et les fentes deviennent des fentes pour couper tes affaires. Tu comprends? Oui. Donc, les fentes qui sont en dessous du tamis, ben, tu coupes dedans à travers les fentes, puis ça coupe ta salade. Donc, tu te sauves plein d'étapes, tu te sauves juste un bol à laver. Donc, 20$. C'est une bonne idée, ça. C'est un peu niaiseux, mais c'est ça. Et si on va terminer avec celui-là, parce que je trouve ça un petit peu glauque. Tout le monde connaît les petits les colliers. Mettons, tu peux avoir les cendres de tes grands-parents ou peu importe dedans. Ouais. C'est pour les traîner à l'école. Ouh. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais maintenant, on peut faire des vinyles, donc des disques de musique hein, en vinyle. Avec la chambre. T'enregistres leur testament. Comment? Qu'est-ce que c'est? Sur lequel t'enregistres leur testament. Ça pourrait être ça. Avec les cendres de la personne à l'intérieur du vinyle. Une façon unique pour les audiophiles de rendre hommage à ceux qui les ont quittés. Donc, la Michael Jackson est devenu 255 vinyles vendus en Égypte. Ouais, c'est ça. Et puis ça joue la musique que tu veux. Donc oui, ça pourrait être un enregistrement personnalisé. Ça pourrait être AGTM. Tout ça pour seulement 5 500 $ canadiens. Et combien? 5 500 $ canadiens. Et 55 piastres avec beaucoup de zéros. C'est ça. Ils n'ont pas mis la virgule à la bonne place. Puis en plus, on dirait que c'est comme un vinyle avec des graines de pavot. Fait qu'on dirait un béga. Oh mon Dieu. Voilà, c'est tout pour le Merci beaucoup, Mathieu, d'être, d'avoir passé de façon si rapide dans l'émission aujourd'hui. C'est très gentil. Je te dis ce que tu peux... Non, mais on n'a pas parlé de nutrition, finalement. Non, je sais, ça va se faire demain. Oh! Mais tu vois, l'émission, elle est chronométrée. Ouais. OK, non, mais je juste... Parce que tu l'as évoqué tantôt. Oui, je sais, mais c'est pas bien grave, ça. C'est okay, pas grave. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est moi qui le prends. Un petit peu plus tard aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre dès 10h, Mathieu, Compte à rebours, l'émission de compte traditionnel. Aussi, si ça te dit, bien, à 14h, tu vas pouvoir en apprendre un petit peu plus sur la course automobile, parce que je reviens en onde pour En piste avec Tania Baudin. Par la suite, bien, il n'y aura pas de Mathieu Plancheau, vu que t'es pas là. Audiomatique va être à 17h, l'Aube Trotter à 19h, et un petit peu plus tard, en soirée, vous allez pouvoir écouter de la journée. Voilà. C'est merveilleux, hein, à vous. Quelle belle journée. C'est fou. Et nous, on se dit bonne fin de journée. On se dit surtout bon café et bon à demain. Bon matin, Trois-Rivières. Bon matin, Trois-Rivières, et bon café. Bye!